Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Comment ça va, mesdames et messieurs? Un retour triomphal de Puissance Maximale après une courte absence d'une semaine. On s'excuse des événements malheureux qui nous ont retenus, mais maintenant... Écoutez, on est de retour, ça se passe très bien. Et de retour, entre autres, de J'ai animé 2014, on est allé faire un tour il y a deux semaines. Quelle fin de semaine, on va vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Je vous rappelle, mon nom, Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là pour vous parler jeu. Et je suis accompagné, bien évidemment, de Monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, Monsieur Michaud. Et là, Andrew, encore une énorme émission cette semaine. Très, très, très occupé. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce qu'on vous aime. On se demande encore comment on faisait pour faire une seule heure d'émission dans nos anciennes versions. Parce que là, on est habitué à deux heures. Se faire dire du jour au lendemain, les gars, vous avez une heure. On virait fou. On survivrait pas. Et voilà. Fait que si ça arrive, préparez les pétitions et les pancartes. Il faut empêcher que Puissance Maximale retombe à une plage horaire de une heure. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. On est encore pour encore des années avec vous sur une plage de deux heures. Et on va la remplir, mesdames et messieurs, cette plage de deux heures avec plein de contenu. Cette semaine, on vous parle justement de J'ai animé 2014. Moi et Andrew, on va faire un petit retour là-dessus. Surtout Andrew, parce que on a une émission spéciale, version vidéo qui s'en vient sur YouTube dans les prochaines... La prochaine semaine ou la semaine prochaine, qu'on va mettre en ligne une exclusivité YouTube, vous pourrez aller voir ça directement. Puis je fais déjà un peu mon retour. Et notre site web, là, parce qu'on va le mettre sur le site web aussi. Bien évidemment, ça va passer par là. Mais on fait quand même un retour sur J'ai animé 2014. Mais tout d'abord, on va vous présenter tantôt après la PFK, première... PFK, hein? Ouais, c'est ça, on est allé mal au PFK. Quelle idée de cave! Mais bon, ça va bien pareil. Comme je disais en tout début d'émission, après la première pause musicale, on va entendre Diego Lamana pour la chronique académique, puis on va parler du crash de 1983 dans l'industrie du jeu vidéo. Très excellente entrevue, en fait, chronique que j'ai faite avec Diego. D'ailleurs, je vous dis, est un peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine de rester à l'écoute. Vous allez voir, très, très intéressant. Et évidemment, en parlant de J'ai animé, on va également vous présenter des entrevues qu'on a réalisées là-bas. Une avec M. Thierry Bourdon, l'homme qui a fait la voix, entre autres, de D'Artagnan dans Le Sous le signe des Mousquetaires, Ramis dans Le Bâtard, C-17 dans Dragon Ball, plein de séries comme ça de notre enfance. Ben, vous allez l'entendre parler de doublage. Et évidemment, notre entrevue avec le joueur du grenier, ce YouTuber français des plus populaires qui a attiré vraiment, mais vraiment beaucoup de monde à J'ai animé cette année. Donc, vous aurez la chance de l'entendre également avec son collègue Seb dans une entrevue que j'ai réalisée avec eux à J'ai animé 2014. Mais rapidement, mesdames et messieurs, comme à mon habitude, je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez, pendant un certain temps, Mais en fait, tout le temps, mais spécialement ces temps-ci, c'est plus pratique d'aller écouter ces JMD FM en direct via le petit speaker. Le petit compte de speaker. J'ai travaillé là-dessus pour vous hier soir. Oui, parce qu'il y a un problème avec le site de CJMD et on a pallié un peu à ça. Andrew a réglé, donné une petite biquille à la station en attendant que ça se règle. Donc, on vous peut passer par notre site internet pour écouter la radio et évidemment, tous nos anciens podcasts et entrevues. D'ailleurs, il y aurait des entrevues que Andrew a réalisées à Janimé qui vont être mises directement sur le site. Dans la à même l'annonce de l'émission. Oui, c'est ça. Et vous aurez eu droit à une entrevue avec Tester Alpha. Oui, une petite entrevue sympathique. Oui, et avec un autre YouTuber que tu as rencontré, Giz. Qui a déjà été un représentant Machimina Montréal. Voilà, donc vous aurez la chance d'entendre ça directement sur le site Internet. On vous rappelle aussi qu'il y a une page Facebook. On vous invite toujours à vous y joindre. Vous allez sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Vous appuyez sur le bouton J'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et qui sait? Juste parenthèse comme ça, on a déjà parlé aussi à des gens, j'ai animé peut-être une autre plateforme pour pouvoir nous écouter, en route peut-être. Oui, on est en train de voir ça avec eux dès que justement le... Tout, parce qu'on est en train de retravailler sur le site, on va le dire, la CJMD. Au niveau du streaming aussi, on passe à un autre niveau, ça s'en vient. Ben, vous avez sûrement déjà remarqué que le son est déjà meilleur au niveau du streaming. Là. On a augmenté la qualité au niveau là, de l'encodage audio. Ça fait quand même une bonne différence. Beaucoup plus stable aussi. On fait affaire avec un service nord-américain maintenant. Donc, moins de délais et meilleure qualité de son. Et voilà. Donc, si ça se joue là-dedans, on travaille là-dessus. Donc, voilà. Et je travaille fort pour vous. Et voilà. Donc, c'est ça. Et mesdames et messieurs, comme à notre habitude, on va évidemment commencer notre émission avec de la musique et pas n'importe quelle musique, la meilleure. Parce que c'est moi qui ai choisi. Non, c'est pas nécessairement. Mais en fait, y en a une là-dedans que c'est une toune que je t'ai suggérée plus tard. Tout à fait. Mais la première toune, ça va être un hommage à un groupe qu'on aime beaucoup qui est maintenant disparu. Les Chicken Swell, on a pris il y a deux semaines. On devrait garder une minute de silence pour ça. Mais on le fera pas parce qu'une minute de silence à radio, c'est long. OK, 5 secondes d'abord. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là pour le rendre hommage. Triste nouvelle pour le monde du spectacle et de l'humour. On a eu la chance, Andrew a eu la chance de les rencontrer l'été dernier. Et ça s'est arrivé assez subitement. Dimanche matin, on s'est levé à Janimé. J'ai regardé sur mon cellulaire, là... Mais d'ailleurs, comme deux mauvaises nouvelles qu'on a eues en fin de semaine aussi. Cette fin de semaine-là, on avait eu la séparation des Chicken Swell et le décès prématuré de Ju Wario, un YouTuber qui œuvrait justement dans la ludicité. Et apparemment, je veux pas m'avancer, mais c'est les bruits qui ont... puis la plupart des gens en ont parlé, il s'agirait d'un suicide. Donc non, c'était pas un super dimanche matin. Je l'avais rencontré à Con Bravo en plus. Il y avait eu une erreur dans nos cédulations. J'étais supposé de rencontrer les Game Chasers. Puis il a déjà fait une apparition dans Game Chaser en tant qu'ami des gars. Et à un moment donné, il s'est présenté parce qu'il était tout content qu'il y ait une entrevue avec un média. Et moi, je fais... Non, c'est pas lui que je veux une entrevue avec. Puis je me suis excusé parce que j'ai fait, je m'excuse, je te connais pas assez. T'sais, je peux pas vraiment t'interviewer si j'ai pas mes préparations, surtout en anglais. Puis là, en même temps, je suis comme bon. Triste nouvelle, mais bref, quand on dit, on fait la petite minute sérieuse à Puissance Maximale, quand on dit aux gens qui ont des en dépression, trucs du genre, on leur demande d'aller chercher de l'aide, faites-le. Il y a beaucoup de gens. Vous êtes pas, vous avez pas idée des gens qui peuvent vous aider et de votre entourage qui peuvent vous supporter dans ces situations-là. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas de malheur et rendez-vous chez un proche ou chez des professionnels de la santé qui pourront vous aider dans ces situations. Voilà, c'était la minute sérieuse de Puissance Maximale, mais ô combien importante. Et donc, pour revenir sur l'autre mauvaise nouvelle, celle de la séparation des Chicken Swell, on va vous envoyer une chanson des Chicken Swell qui est aussi un classique de l'humour québécois. Au niveau de la matière qu'ils utilisent pour cette chanson-là. Je vais juste répéter quelque chose. Je m'excuse, Mike. C'est parce que j'ai des messages qui pop dans mon Facebook. TuneIn ne marche pas actuellement. Oui, c'est ça. Il faut vous rendre sur le site de Puissance Maximale, le www.puissancemaximale.com. Il y a sur la page principale, à droite, il y a une petite icône haut-parleur. Vous cliquez là-dessus et vous aurez la chance de nous entendre. C'est ça. Au pire, là, pendant la musique, et le petit break, on mettra un rappel sur notre page Facebook. Facebook. Et voilà. Donc, pour rendre hommage, comme je disais, aux Chicken Swell, on s'en va écouter leur chanson Pète puis répète. Tout de suite après, on y va avec la chronique de Diego Lamana. Tout ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Il s'appelait Pète et ne se doutait point de ce qui allait lui arriver. Par un bon dimanche, répète le calabre pour lui dire en bateau qu'il te promenait. Comment, comment? Il y avait Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis. Fait qu'il y avait plus de place pour Pet et Répète. Répète loua un si doux, Pet lui tentait de se tenir. Soudain, vague percute si doux et Pet tombe à l'eau. Kiki reste, Kiki reste, c'est si doux, Kiki reste. Répète. Qui s'appelait Pète et ne se doutait point de ce qui allait lui arriver. Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, Pète, et ne se doutait point de ce qui allait lui arriver. Par un beau dimanche, répète le calap pour lui dire en bateau, viens te promener. Puissance maximale vous présente la chronique académique. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une nouvelle chronique académique avec Monsieur Diego Lamana. Comment ça va, Diego? Très bien, toi. Ça va très bien. Écoute, malgré moult péripéties, on va finir par se parler. Pour ceux qui savent pas, c'est parce que ça fait une couple de fois qu'on essaie d'enregistrer cette chronique-là. On a eu tout plein de pépins, dont un acte de Dieu, le courant qui a disparu de chez Diego la dernière fois. Oui. Mais là, tout va bien. Donc, ça on va y aller. Quelques heures, en plus. En plus. Mais une chance, ta tablette était chargée à bloc pour te divertir. Oui, absolument. Et là, on va y aller avec ta chronique, Diego. Et là, on va parler d'un événement très important. Dans l'histoire du jeu vidéo, on va parler du crash de 1983. Oui, absolument. C'est un événement assez important dans l'histoire du jeu vidéo. Ça a vraiment changé la façon dont le marché des consoles fonctionne surtout et plus encore. Donc, quand on parle du crash de 83, on parle d'une crise vraiment importante qui a touché l'industrie du jeu vidéo. À l'époque, l'industrie du jeu vidéo était surtout axée autour du marché des consoles, dont le leader suprême de l'époque était Atari. Donc, quand on parle de crash de l'industrie du jeu vidéo, les tendances ont commencé vers 81-82 et ça s'est poursuivi jusqu'en 84-85 et c'est Nintendo qui a sorti l'industrie du jeu vidéo du crash. Finalement, on va voir ça, là, on va parler entre autres là, de problèmes au niveau des publications des jeux. Nintendo est un peu revenu resserrer la vis à ce niveau-là. Oui. Ce qui s'est passé finalement dans le crash, entre autres, on parle d'une sursaturation des marchés de la console. Oui, et aujourd'hui, on se rappelle beaucoup d'Atari, qui, comme je disais, qui était le leader de l'époque. Mais il y avait quand même, en 83, il y avait 15 consoles sur le marché. Donc, okay. Pour chaque console, ça veut dire une bibliothèque de jeux différents. Donc, par exemple, Atari, il y avait le Atari 2600. Il y avait le 5000 aussi. Il annonçait une autre sortie d'une autre console Atari pour 84. Donc, ça, c'était vraiment un problème. C'est qu'il y avait une sursaturation du marché des consoles. Il y avait beaucoup trop de consoles. Voilà. Ça fait que quand on est le moindrement adepte de la loi de l'offre et de la demande, on comprend très vite que là, ça marchait pas. Là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup trop de... Donc, plus personne ne sait vraiment trop quoi acheter. Et en plus, à la même époque, c'est les ordinateurs personnels font leur entrée sur le marché. 81, c'est le début de IBM PC. Après ça, il y a Apple qui prend son envol dans ces années-là avec leur premier Mac autour de 84, la sortie. Ensuite, il y a aussi, plus le PC devient populaire, plus les jeux sur PC deviennent populaires. Et le PC, comparé aux consoles, amène sont beaucoup plus performants. Il y a une mémoire beaucoup plus importante. Donc, ce qui permet des nouveaux types de jeux qu'on voit moins souvent sur les consoles de maison. Par exemple, des RPG beaucoup plus profonds, ou des wargames, des jeux de stratégie. Et même aussi les aventures textuelles qui vont avec, oui. Avec l'évolution technologique va devenir des aventures graphiques. Moi, je me rappelle de ce genre de jeu-là. À l'époque, j'avais beaucoup joué sur Commodore 64 à ce genre de jeu-là. Mais encore, on a les mêmes avantages, finalement, sur les PC qu'on a aujourd'hui. Là. En plus, de la puissance, habituellement, quand on a une bonne machine, au-delà des consoles, ben, on peut s'en servir, entre autres, pour travailler. Absolument. Et les campagnes marketing de l'époque étaient essentiellement basées là-dessus. Donc, c'est aussi un outil de travail et c'est aussi du jeu. Donc, ce qui a aussi nommé l'ordinateur comme Machine of the Year du Times Magazine en 83. Donc, c'est pour vous vraiment montrer que c'est à l'époque où le PC devenait vraiment commercial. En plus, comme je disais tantôt là, au début de la chronique, c'est que il y a eu une perte de contrôle au niveau de ce qui était publié comme jeu. C'était pas aussi contrôlé qu'aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a un événement historique à la fin de l'époque Atari. C'est un peu ce qu'on... c'est un des problèmes qu'on disait qu'il y avait trop de jeux. Donc, il y a certains programmeurs de chez Atari qui étaient outrés du manque de reconnaissance de la part des compagnies de jeux vidéo de l'époque. D'un point de vue personnel, c'est-à-dire que les programmeurs et les designers de l'époque d'Atari et les autres compagnies aussi, les noms n'étaient pas mentionnés sur ou dans les jeux. Okay. Donc, c'était vraiment des produits anonymes. Il n'y avait pas d'artistes derrière le jeu. Okay. Et aussi, d'une manière monétaire, parce qu'Atari pouvait se faire 60 millions sur un jeu, et les programmeurs étaient payés à 20 000 $ par année. Ouch. Okay. Ouais. Donc, il y avait vraiment un manque de reconnaissance de ce point de vue-là. Et les programmeurs d'Atari ont quitté Atari pour fonder Activision, qu'on connaît encore aujourd'hui. Ah ouais. Et c'est, eux ont commencé à prendre le programmeur et l'artiste de jeux vidéo vraiment comme un artiste à part entière et non pas comme un simple employé. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont commencé à avoir des paiements au niveau de comme des droits d'auteur? Ça a été plus compliqué que ça parce qu'il n'y avait pas de loi par rapport à ça. Okay. Donc, Activision, eux, ils savaient déjà comment programmer sur Atari. Donc, ils ont programmé sur Atari. Atari n'était pas content. Ils ont poursuivi en justice. Donc, ça aurait pu faire une cause vraiment importante. Ça aurait pu changer complètement le monde du jeu vidéo en ayant la possibilité ou pas qu'une compagnie fasse des jeux pour une console qui ne leur appartient pas. Finalement, Atari et Activision se sont entendus hors cours. Donc maintenant, c'est le modèle de jeux vidéo. On paye des royalties pour publier des jeux sur d'autres consoles qui ne nous appartiennent pas. Donc Activision avait le droit, en payant une certaine part, de publier sur des consoles. Donc qu'est-ce que ça... Okay. Donc il y a des bons côtés. Activision peut créer des nouveaux jeux hors de l'étau d'Atari. Par contre, ça amplifie la sursaturation en permettant à n'importe quelle compagnie de créer des départements de jeux vidéo ou de créer des jeux vidéo tout simplement. Mais voilà. Et là, ça fait des problèmes de qualité. Je vais donner un exemple. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques. C'est Chase the Chuck Wagon de 1983 sur Atari 2600, qui est un jeu financé par Purina. Purina, compagnie de bouffe à chien. OK. qui a approché une compagnie de jeux vidéo pour faire un jeu vaguement basé sur une de leurs publicités de l'époque. Okay. C'est un genre de jeu de labyrinthe par rapport à Pac-Man. Okay. C'est un des exemples que tout le monde fait des jeux vidéo et c'est pas vraiment ils recherchent pas à faire des jeux vidéo, mais ils reprennent des modèles qui fonctionnent, notamment Pac-Man, Pong, Space Invader, des shoot'em up, des jeux simples. Donc ils reprennent ça puis ils mettent de piètre qualité si on veut. OK. Puis là, avec cette piètre qualité-là, on vient rajouter en plus des bibliothèques de jeux disponibles sur les consoles. Il y en avait des bons, mais on rajoute par-dessus ça un grand nombre de jeux et de mauvaise qualité en plus de ça. Oui, c'est ça. Et en plus, les Atari, par exemple, ont fait des décisions d'affaires vraiment douteuses autour des années 81-82 qui ont vraiment hypothéqué leur compagnie et qui, et comme c'était le leader, quand le leader tombe, le reste suit pas mal. Voilà. Il y a vraiment eu la bulle du jeu vidéo s'est vraiment effondrée, quitte à ce qu'on parle de la fin de cette machine-là, comme quoi que ça n'existerait plus, que c'était pas là pour rester. Ouais. Quand je dis des mauvaises décisions d'Atari, je parle notamment de Pac-Man en 81, qui fallait qu'il soit sorti pour Noël. C'est le jeu le plus vendu sur Atari, avec 7 millions de copies. Okay. J'en avais déjà parlé, il était de très mauvaise qualité parce qu'il y avait une limitation au niveau des sprites. Atari permettait uniquement les quatre sprites, c'est les images, les bitmaps qui vont bouger. Okay, okay. Et il y en a 5, donc Pac-Man plus 4 fantômes. Donc ça faisait un flickering sur l'écran qui était vraiment assez désagréable pour les joueurs. Et sur les 12 millions de copies qu'ils ont faites, j'ai dit qu'il y en a, donc il y avait 5 millions qui ont été invendus. 7 millions vendus, 5 millions invendus. Donc on parle d'un flop assez important pour le jeu le plus vendu sur Atari. Effectivement. Et le deuxième, c'est pour le Noël suivant, c'est avec le jeu E.T. Le cinquième jeu le plus vendu sur la console à 1,5 million de copies. C'est un jeu qui a coûté extrêmement cher à produire, dont 20 à 25 millions pour les droits Spielberg directeur. Ouch. Donc en argent de 82, c'est beaucoup d'argent. Et le jeu a été fait en moins de 6 semaines. En fait, E.T. est reconnu pour plusieurs comme étant le pire jeu de l'histoire. Oui, c'est reconnu comme étant le pire jeu de l'histoire. Par contre, c'est ça, quand on lit un peu dessus, c'est intéressant parce que le designer a fait son mea culpa là-dessus. Puis il a dit qu'il avait une super bonne idée au départ. C'est vrai que l'idée a de l'air intéressante. C'est un peu une aventure. Il se promène dans divers tableaux du film, si on veut. Puis finalement, c'est Spielberg qui a dit qu'il aimait pas ça puis qu'il voulait quelque chose qui ressemblait à Pac-Man puis que ça vendait. Donc, c'est encore de la faute à Spielberg. Ouais. Il remet la faute un peu sur Spielberg, mais lui était d'accord avec l'idée, il trouvait l'idée géniale aussi. Il aimait l'idée de Spielberg, donc il est allé, il a changé d'idée. Mais en 6 semaines, pour faire un jeu, quand ça prenait à peu près quelques mois à faire à l'époque, c'est assez difficile. On voit ce que ça donne. Puis en trouver différentes, c'est qu'il y a trop de consoles, il y a trop de jeux, les PC font leur arrivée, ils commencent à prendre de plus en plus de popularité au détriment des consoles maison qui produisent de plus en plus de jeux de mauvaise qualité. Donc, l'effet, quand je dis on parle d'un crash, c'est qu'il y a, c'est la faillite de plusieurs compagnies, notamment Coleco ou Magnavox, ou à tout le moins l'abandon de certaines compagnies de jeux vidéo, comme Mattel, par exemple, qui quittent, vont rester dans le jouet, mais ils laissent tomber le jeu vidéo. C'est que ça ralentit, à ce moment-là, on peut imaginer peut-être à quel point l'industrie du jeu vidéo serait rendue aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de crash. Peut-être qu'on aurait eu une... avec ce genre de décision-là, peut-être qu'on serait pas mieux, là, mais... Mais ça, c'est vraiment une situation nord-américaine, parce qu'au Japon, il n'y a pas eu de crash. En Europe, la situation est différente. Par exemple, au Japon, cet événement-là, ces années-là, on appelle ça le Atari Crash, et non pas le crash du jeu vidéo. OK. Donc, c'est assez intéressant. Donc, remercions nos amis nippons d'avoir fait autrement. Parce que au Japon, ça fonctionnait tout le temps. Donc, c'est ça. Quand je parle en chiffres, si on veut voir, l'industrie du jeu vidéo est passée en 82 d'une industrie qui valait 3 milliards de dollars aux États-Unis. Quand même. À 100 millions en 85. Aïe, aïe. Donc, il n'y a plus personne qui achetait des jeux vidéo dans ces années-là. Comme on disait, c'est les Nippons, particulièrement Nintendo, qui a réussi à relancer l'industrie du jeu vidéo avec la sortie du NES. Eux aussi ont fait un peu comme le PC. Ils se sont éloignés du concept de console de l'époque pour aller vers le entertainment system. Donc, c'était quelque chose de plus que simplement une machine que tu plugues sur ta télé. À l'époque, il avait sorti ça avec Rob the Robot, il y avait plusieurs choses. Par la suite, ils se sont éloignés de ce concept-là, mais ils essayaient de proposer quelque chose de différent d'Atari à l'époque. En fait, c'est ça, Nintendo a quand même toujours gardé un peu cette nature-là avec beaucoup d'accessoires, de trucs en plus de la console qui était offerte avec leur console, finalement. Oui. Et donc, comme on disait, il y a vraiment un déplacement de la dominance du jeu vidéo des États-Unis vers le Japon qui a dominé pendant peut-être les années 80-90 l'industrie du jeu vidéo. Même encore aujourd'hui, mis à part Microsoft, les plus grandes compagnies, Sony et Nintendo sont japonaises. Et là, en plus, Nintendo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé qu'ils allaient resserrer les contrôles au niveau des qualités des jeux. Oui, d'un point de vue, c'est ça. Ils ont instauré le Nintendo Code, qui était des mesures de contrôle pour les compagnies tierces. Donc, il y avait un max. C'est vraiment assez pas complexe, mais assez complet comme code d'éthique. C'est qu'une compagnie ne peut pas faire plus que 5 jeux. Donc, il y avait une licence pour 5 jeux. Ensuite, il fallait qu'ils renouvellent leur licence. Donc, ça évitait que les compagnies continuent toujours à créer le même jeu ou refaire toujours des Pac-Man différents chaque année. Des choses comme ça. Mais faut aussi dire que, d'après ce que j'ai déjà lu également, il y avait possibilité de quand même de un peu contourner tout ça en donnant une bonne somme d'argent à Nintendo. Ça, j'avais lu ça à quelques endroits là, pour pouvoir permettre d'avoir ce fameux saut d'excellence Nintendo. Oui, mais c'est ça, le saut d'excellence était valide uniquement aux États-Unis, en Amérique. Ah. Au Japon, ça fonctionnait différemment. Il y avait il y avait pas ce problème-là au départ. Mais le Japon, ils ont une relation complètement différente avec le jeu vidéo. Par exemple, encore aujourd'hui, l'arcade est centrale chez le gamer japonais, tandis qu'en Amérique, c'est presque mort. Donc, c'est très différent. Le Japon est très différent de nous. Il y a beaucoup plus un aspect social en Asie qu'on n'a pas ici. Le jeu vidéo est plus vu comme un passe-temps individuel, tandis qu'en Asie, c'est très social comme passe-temps. Là, Diego, tu me parles de tout ça, puis ça me donne l'impression malheureuse un peu qu'il y a certains trucs qu'on est en train de revoir. On dit que souvent l'histoire, c'est quelque chose qui se répète, mais oui. J'ai l'impression qu'on est en train de revoir des trucs comme ça dans l'industrie du jeu vidéo. Absolument, c'est un peu la raison de ma chronique. Je trouve qu'il y a certaines tendances actuelles de l'industrie du jeu vidéo qui pourraient nous faire croire à un autre crash. J'irai pas jusque-là, mais à tout le moins une autre crise importante qui est latente dans l'industrie du jeu vidéo actuel. Mais en fait, j'en parlais souvent avec Andrew lors des missions que nous, on avait comme l'impression que le PC allait reprendre beaucoup de poils de la bête dans les prochaines années à cause des problèmes constants que les consoles présentent. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a les décisions aussi des gens qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Puis souvent, on parle des businessmen, on parle pas des créateurs. Oui, ça, c'est un problème majeur. C'est que les décisions, autant d'affaires que de création, sont prises par des hommes d'affaires et non plus des personnes qui connaissent très bien le jeu vidéo. Comme par exemple, à l'époque, Steve Jobs a commencé comme programmeur pour Atari. Donc, oui. Quand il est devenu un homme d'affaires, il savait de quoi il parlait. Pas uniquement pour le jeu vidéo, mais pour la technologie en général, pour Apple, la même chose un peu pour Bill Gates. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a du monde qui connaissent les jeux vidéo qui font ce que des hommes d'affaires décident. Pas seulement sur les genres de jeux à créer. Donc, maintenant, on a beaucoup trop de FPS. Oui. Est-ce qu'on fait des FPS? Est-ce qu'on fait un RPG avec des éléments fantastiques? Ou on fait un point and click hack and slash avec des éléments de RPG? Là, même sur la thématique, est-ce qu'on fait un science-fiction, un fantasy? C'est tous des hommes d'affaires qui décident selon les études marketing. Disons que ça limite beaucoup l'innovation au niveau du jeu, au niveau des styles, au niveau des genres du gaming. Et malheureusement, ça nous fait qu'on a des gens à chaque E3 qui nous parlent de trucs révolutionnaires, en fait, que c'est souvent et beaucoup trop souvent du réchauffé. Oui, c'est souvent de la répétition. Les décisions d'affaires se reflètent aussi sur qu'est-ce qu'on a comme dans le contenu des jeux. Le nombre d'heures de jeu est calculé, oui. Le type de progression, le nombre de DLC, comment ça va fonctionner, est-ce qu'on met une partie du jeu, un épisode seulement, ils vont devoir acheter des épisodes plus tard. Donc, tout ça, c'est pensé selon un modèle d'affaires qui, à mon avis, peut être questionnable à certains égards. Il y a quatre éléments sur ce que les jeux vidéo nous proposent actuellement qui peuvent être pernicieuses pour le jeu vidéo. Par exemple, la connectivité persistante. Donc, l'obligation d'être en ligne systématiquement pour jouer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être en ligne pour jouer à SimCity? C'est une question à se poser. Voilà. Mais pourquoi ils nous demandent d'être toujours en ligne? Parce qu'ils veulent pas se faire... On va aller vers le DRM à ce moment-là au niveau du contrôle des licences. Mais la connectivité persistante est une forme de DRM. Voilà. Et là, il y a aussi des DRM de compagnies tierces. Par exemple, j'ai essayé d'installer Assassin's Creed 4 récemment. Il a fallu que je m'installe Steam. Ça, je l'avais déjà. Après ça, il a fallu que je m'installe Uplay pour s'assurer que j'ai la bonne version. Donc, c'est deux DRM. Oui. Donc, de plus en plus. Et ensuite, pour faire ça, il a fallu que j'aille désinstaller Game Windows for Live sur mon PC pour que ça fonctionne. Donc, c'est... ça devient très compliqué. Mais dans le pire, en plus, c'est que ça contre aucunement le piratage. Absolument pas. Ils ont montré que la plupart des jeux, encore aujourd'hui, c'est possible de les trouver piratés. Et ça le stoppera jamais. Ça va l'encourager. Ce genre de contrôle-là ne fait qu'encourager les activités du piratage, souvent. Oui. Qui vont toujours devancer les manières de sécurité. Et là, ça crée un cercle vicieux. Comme les jeux sont en ligne, les comptes doivent être vérifiés. avec des données confidentielles parce que tu vas acheter en ligne, donc ton numéro de carte de crédit va être dessus. Donc, les compagnies de jeux vidéo doivent avoir des mesures de sécurité pour protéger les données confidentielles. Donc, ça augmente le nombre de murs de sécurité. Et les possibilités d'attaque encore. Oui, et quand ça tombe, tout tombe. Donc voilà. Là, tu pourras pas jouer. Si le serveur de Maxis tombe, tu peux pas jouer à SimCity, qui est un single player à la base. Voilà. Donc, c'est un peu, je comprends qu'il y a des jeux en ligne, comme par exemple Dota 2, même si tu veux jouer contre des bots, faut que tu sois connecté à Internet. Sûr. Mais c'est un jeu en ligne à la base, donc faut pas dénaturer le jeu. Rappelons-nous du triste événement du PlayStation Network il y a quelques années. Oui. On a eu un bel exemple. Oui, c'est absolument. Et ça continue. C'est pas les erreurs n'ont pas arrêté. Après ça, tu parles par exemple by SimCity, le flop du lancement. Oui. Il y en a eu d'autres, pas toutes les nommer. Et sans doute, ça amène d'autres choses aussi. C'est les microtransactions. Il y a un autre modèle d'affaires qui malheureusement pour moi, là, je devrais dire, fonctionne. J'aime pas, c'est les microtransactions à l'intérieur d'un jeu. Donc, à mon avis, ça ruine un peu le système du jeu. Ça amène plus t'as d'argent, plus tu peux aller vite dans le jeu. Comme par exemple, Dota 2, tu peux acheter des XP boosters qui te font avancer plus vite. Des fois, c'est bien balancé avec le système du jeu de base. Moi d'habitude, je suis pour ce genre de système-là quand ça nous permet, entre autres, dans les jeux en ligne, comme les MMORPG, quand ça peut permettre d'avoir un MMORPG gratuit par mois, habituellement, je trouve ça quand même intéressant. Oui. Mais il y a des jeux qui se basent absolument que sur la microtransaction, puis à ce moment-là, effectivement, ça va ruiner vraiment l'expérience de jeu. Oui, comme Dota 2 en propose, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il propose uniquement des achats esthétiques. Mis à part le HP Booster, mais ça fait juste augmenter ton niveau personnel. Ça n'a pas de lien sur tes parties en tant que telles. Donc ça, je trouve intéressant. Et ça, comme tu disais, ça doit permettre le fait que Dota 2 est un jeu en ligne gratuit. T'as pas besoin de payer pour jouer. Donc ça, effectivement, ça peut amener des bonnes choses. C'est juste qu'à l'intérieur du jeu, ça peut devenir pernicieux. On voit surtout ce problème-là au niveau du jeu mobile. Oui, ça. Et lié avec l'idée, ils appellent ça du weight gaming, donc c'est l'attente dans le jeu, la modification de l'attente, comme par exemple les farm deals, des choses comme ça. Attendre qu'un ami vienne nous aider ou qu'on paye finalement un montant pour pouvoir avancer. Absolument. Donc quand on pense, par exemple, Infoman nous apprenait à son émission de fin d'année, Candy Crush Saga fait près de 800 000 $ par jour avec ça. C'est assez considérable. Et là, on parle pas de Call of Duty. On parle d'un jeu à la Tetris, là. On parle d'un jeu à la Tetris qui joue sur Facebook, mobile, puis et autres plateformes Flash. Et là, on va vers quelque chose aussi qui est assez frappant, c'est la grosseur des budgets pour les projets de jeux vidéo qui peut être très dangereux pour les développeurs. Autant, là, on voit le même phénomène aussi pour les studios de cinéma. Oui, absolument. C'est le même problème avec le cinéma. Donc, c'est la question de rentabilité qui empêche l'innovation. Il y a une saturation des franchises rentables actuellement dans le jeu vidéo. Quand on regarde, par exemple, les jeux qui sont nominés pour les jeux de l'année 2013, c'était beaucoup des reboots, des reruns ou des séquelles et non pas des innovations. Il y a toujours, comme par exemple Walking Dead qui a été une exception, mais... C'est souvent c'est des valeurs sûres qu'on voit. Oui, on retourne avec des valeurs sûres. Pourquoi? Parce qu'on va pas investir des centaines de millions de dollars sur des millions de dollars sur des jeux qu'on sait pas ce qu'ils vont rapporter. Et encore là, on est dans un cercle vicieux parce que là, l'industrie offre pas d'autre chose, donc les gens ne s'intéresseront pas à d'autre chose. Donc, on va toujours rester dans ce tourbillon-là. On peut appliquer ça encore où on parle de cinéma québécois souvent. Là, on a le même problème au niveau du cinéma québécois. C'est assez désolant de voir ça. Absolument. Et un autre problème, c'est que la plupart des compagnies qui continuent les jeux de sport ou les FPS plus particulièrement, les Halo, Call of Duty, des choses comme ça, c'est le problème principal, c'est que la survie de ces compagnies-là est essentiellement fondée sur le succès de ces jeux-là. Voilà. Si... s'ils ressortent pas un Call of Duty à chaque année ou à chaque deux ans, la compagnie aura plus les moyens de d'être rentable et de fonctionner et de continuer à faire des jeux vidéo. Donc ça, c'est un des problèmes actuels. Les budgets sont tellement importants que ça empêche l'innovation. Et donc, comme dans les années 80, on se retourne avec souvent des copies du même jeu. Ils montraient tous des jeux, tous les shooters sortis en 2011. Je pense qu'il y en avait 6 qui proposaient les mêmes prémices de base. Call of Duty, je m'en rappelle pas tous des noms, mais c'était tout à peu la même chose. Ça se passait à New York, il y avait la Statue de la Liberté, puis c'était à peu près tout le même départ d'un FPS. Donc, c'est un peu... Je mettais la blague, les joueurs, j'espère que vous aimez ça, regardez avec le fusil, parce que c'est pas mal ce que vous allez voir cette année dans le jeu vidéo. Donc, on est encore dans ce problème-là, des répétitions de genre. Puis en plus, il y a toujours les problèmes avec le marketing des jeux aussi. Oui, ça c'est intéressant. Bon, d'abord, moi ce qui m'énerve le plus, c'est les cinématiques trompeuses. Si on fait la comparaison avec le cinéma... Les trailers au cinéma nous montrent tout de même des images du film. Oui. Quand on parle de jeux vidéo, certaines fois, souvent même, les trailers de jeux vidéo ne nous montrent pas des images du jeu tant que tel, ouais, mais réinventent complètement, comme il prenait l'exemple de Call of Duty, où est-ce qu'on voit des hélicoptères foncer dans les buildings et tout, mais... On le jouera pas, ça. C'est juste pour... Donc, imaginez au cinéma nous mettre des choses qu'on verra pas dans un film, ça se fait pas. Donc, à quoi on peut s'attendre? Moi, je me rappelle beaucoup de Dead Island, que le trailer était formidable. C'est un père qui essayait de sauver sa fille de zombies à travers un hôtel. Ah, finalement, le jeu, c'est un FPS normal où tu tues des zombies. Donc, il y avait vraiment une émotion dans le trailer, mais non, il y avait absolument pas ça dans le jeu. On a plus d'émotion dans un trailer de 2 minutes que dans un jeu de plusieurs heures. Il y a quelque absolument chose qui marche pas. Une autre chose aussi, c'est la méthode de classement actuelle, le Metascore, qui est totalement biaisé. La plupart du temps, ceux qui font le Metascore c'est fait de bonne foi. Je dis pas qu'ils font exprès de biaiser le classement. C'est uniquement qu'ils sont invités dans des lancements privés où les designers sont là pour expliquer un peu comment ça fonctionne et le jeu est pas en version complète. Ça va être un tableau, deux tableaux. Donc, ça va être... Les chances de flop vont être réduites au minimum pour pas qu'il y ait de « Ah ouais, mais là, je suis pogné ici. » Ou ouais, c'est ça. Ça va être une version vraiment peaufinée pour les tests. C'est pour ça que nous, à Puissance Maximale, on aime mieux prendre notre temps pour tester. Ça, c'est pas intéressant, des tests comme ça. Oui, et la deuxième chose, c'est la logique de promotion mutuelle. Donc, si moi je parle d'un jeu, le jeu va mettre sur sa pochette que nous on parle d'eux puis qu'on dit que c'est bon. Et voilà. Une autre chose qui se fait pas à Puissance Maximale, puisqu'on n'est pas commandité. Et voilà. Non, c'est sûr et certain que dès qu'on rentre dans le côté monétaire, encore une fois, un autre cercle vicieux, on va pas parler en mal des gens qui nous... C'est plus difficile de parler en mal des gens qui nous invitent gracieusement dans leur studio à tester des jeux avec qui on a parlé avec l'équipe et tout, là, c'est plus difficile un peu. Oui, absolument, c'est ça. Et donc, ce serait trois problèmes généraux que j'ai identifiés qui pourraient nous faire penser qu'on va vers une crise. Donc, on a de plus en plus les mêmes jeux qui sont répétés d'année en année. On a des décisions d'affaires qui peuvent être considérées douteuses ou qui coûtent très cher tant aux joueurs que pour les compagnies. Mais par contre, je crois qu'on peut être sauf ou que l'industrie ne va pas tomber comme en 83. C'est la raison comme quoi que l'industrie du jeu vidéo s'est tellement étendue depuis cette époque-là qu'elle est maintenant dans tous les secteurs. Il n'y a pas uniquement des gamers hardcore qui jouent actuellement, mais toutes les tranches de la population jouent et jouent sur de multiples plateformes. Donc, ça serait étonnant de voir que l'industrie du jeu, autant sur PC, console, mobile, jeux flash sur Internet, tombent tous en même temps. Le joueur actuellement peut trouver ce qu'il recherche. Comme moi, par exemple, vous avez peut-être pu remarquer que dans mon propos aujourd'hui, je suis pas un grand fan des grandes compagnies qui font des FPS ou des jeux reboot sans arrêt. Par contre, il y a toute la scène indépendante qui me permet d'aller chercher de l'innovation. Donc, il y a pas un manque d'innovation, il y a un manque d'innovation dans les jeux triple A. Voilà. Mais les compagnies indépendantes continuent de faire des jeux de qualité, innovateurs, qui nous font réfléchir, qui nous amusent, qui nous font pleurer. Je crois qu'il y a espoir. Il peut avoir une crise dans les prochaines années, mais ce sera pas un flop total comme dans les années 80. Ce sera pas au niveau de toute l'industrie, en tout cas. Merci beaucoup, Diego. C'est déjà la fin de cette chronique encore très, très intéressante. Comme on dit par chez nous, on va se coucher moins niaiseux à soir. Merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé du crash de 1983. Merci, Mickaël. Message de notre commanditaire. Hé, les aventuriers, vous savez quoi? La compagnie des Fiers de Hache va venir au Québec l'année prochaine. Et ça sera sur le salon G Animé. On m'a dit que John Lang sera là pour faire signer des trucs pendant que nous, on ira chercher des trésors dans la neige. C'est trop cool, ça. Ouais, et puis moi, je vais chasser les grosses bêtes sauvages. Faut pas faire du mal aux animaux. La ferme, Gourbasse. Alors on vous dit à l'année prochaine. Allez, salut maintenant. Ça va bastonner par Chrome. Et oui, de retour à puissance maximale après une excellente chronique de Diego, tout plein de bonne musique, et vous venez d'entendre une excellente nouvelle pour J-Anime 2015. John Lang, le créateur du Donjon de Nihilbuck, aussi connu sous le nom de Pen of Chaos, sera avec nous au Québec l'année prochaine et j'aurai la chance, bien évidemment, de lui parler et de lui poser plein de questions, comme j'ai eu la chance de le faire cette année avec le joueur du grenier et Thierry Bourdon. On se fait du fun. J-Anime, on rencontre. Selon moi, c'est J-Anime qui a les meilleurs. Les meilleurs invités. On compte pas Comic-Con parce que c'est une autre business là, complètement, mais dans les conventions au Québec, là, style animé, là, je pense sérieusement que c'est eux qui ont les meilleurs invités. Gros pouce en l'air deux fois pour ceux de cette année. En tout cas, monsieur Thierry Bourdon, un homme, mon Dieu, gentil, généreux, un comédien passionné. Qui t'attend en France. Ouais, qui m'attend, qui m'a proposé, si j'allais en France, de m'inviter à une session de doublage pour voir comment ça fonctionnait. Si je vais en France prochainement, et s'il ne m'oublie pas d'ici là, je vais... Non, ben, t'as quelqu'un qui t'oubliera jamais. Ah oui, ça, c'est... Je voulais raconter cette anecdote-là. Merci, Andrew, de me le rappeler. Je savais que tu voulais le raconter. Ouais, c'est vraiment... c'est un beau moment pour un gars comme moi. Écoutez, je vous donne... On va l'entendre tantôt, là, l'entrevue que j'ai faite avec M. Bourdon, mais je m'assis avec lui dans la salle pour faire l'entrevue. Je parle avec lui un peu pour lui dire à quoi ça va ressembler. Et là, il me dit, vous savez, je suis un grand ami de Jackie Berger que j'avais j'avais eu en entrevue l'année passée, la voix d'Esteban des Cités d'Or, entre autres. Et il dit, je suis un ami de Jackie Berger et elle m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez gentil, vous alliez me rendre à l'aise et tout, et tout, et tout. Ça fait que ça m'a comme fait un petit velours. Un petit velours, et là, tu as osé envoyer la demande d'amitié. Ben oui, maintenant, je suis ami Facebook avec Jackie Berger, maintenant. Puis elle a même écrit un autre commentaire, envoyé une photo qui a été publiée des ateliers que j'ai animés avec lui en grande salle. Un beau petit velours là, pour le communicateur slash animateur que je suis. J'étais très content de voir ça. Puis en plus, c'est ça, Monsieur Bourdon, une super entrevue, vous allez entendre ça tantôt. Même chose avec le joueur du grenier, super bonne entrevue. Ils sont très intéressants, ils sont tellement généreux avec leur public, là. Sans farce, encore une fois, des super invités à J-Anime cette année. Écoute, de ton côté, Andrew, et vous allez voir, pour mes commentaires personnels, vous pourrez voir ça sur l'émission spéciale qui va être sur YouTube prochainement. Pour toi, Andrew, après deux semaines de recul, là, qu'est-ce que t'as passé de ton expérience? Ça a été une fin de semaine pleine d'émotions, de rebondissements et de mauvais plans, je te dirais, personnellement. Non, en fait, de quoi tu parles. Non, ben en fait, je dirais que t'es pleine d'émotions parce que t'es, comme je disais, Wario, j'y ai parlé, c'était non, pas mon ça. Grand ami, mais ça m'a quand même fait quelque chose parce que je me disais que dans l'année passée, j'avais rencontré cet homme et... le fait de savoir qu'il s'est enlevé la vie, ça m'a comme un peu affecté. T'es pas au plein de pleurer puis de scraper toute ma fin de semaine, mais quand même. T'sais, ça m'a secoué. Parce que tout le monde, qu'est-ce qu'il disait sur ce YouTuber-là, qui était gentil, enjoué, qui était toujours de service, je l'avais remarqué quand je l'avais rencontré à Con Bravo, que ça semblait être un chic type, si vous me permettez le terme, et le fait que ça se soit terminé comme ça, c'est quelque chose, c'est triste. Et les Chicken Swell, bien sûr, groupe d'humour que j'adore, que quand tu m'as annoncé ça le dimanche matin, j'ai fait « couet ». Et aussi, chose à savoir, je travaillais cette fin de semaine-là. Oui, en plus, c'est ça, Drew était de garde au téléphone, donc... C'est une des parties des mauvais plans, ça. C'est ça, c'est un mauvais timing, mettons, mais sinon, pour la convention en tant que telle... Très rempli. Très ouais, rempli, hein? Sérieusement, même à Con Bravo, il y avait eu des moments où, tu sais, je me disais, je vais aller manger, tu sais, prendre le temps de manger, parce que, tu sais, on avait un trou ou quoi que ce soit, puis encore une fois, c'était un âge animé, puis là, on faisait pas de conférence, là. Non, c'est ça. Crime, c'était vraiment un cas où, j'ai une heure de lousse, là, on va aller manger, tu sais, puis on prenait pas toute l'heure, hein? On mangeait, on jasouillait, puis après ça, on repartait assez rapidement... pour être sûr d'avoir des places à des événements. L'orchestre de jeux vidéo. Ouais, ça, méchant bon coup. Il se présente dans pas mal toutes les conventions qui se passent là, présentement. Ça fait que si vous allez en convention, c'est à ne pas manquer ce spectacle-là. Aussi, si vous pouvez vous commander, je pense qu'on peut commander les CD. Non, les CD sont uniquement disponibles pendant les shows. Pendant les shows. Ah, si vous avez la chance, allez vous chercher. Ils ont une discographie de 6 albums approximativement. À 10$ chaque. Et ils ont une supplémentaire de leur concert Zelda le 26 avril 2014 à 19h30 à Montréal. Au collège Regina Assumpta. Assumpta, oui, c'est ça, Assumpta. Fait que Regina Assumpta, puis dans le fond, vous avez les informations sur le site de l'OJV, qui est l'orchestre des jeux vidéo, et vous avez aussi toute l'information aussi sur leur page Facebook. C'est un de mes moments forts, sinon le moment fort, à part mes entrevues, là, ça c'est à part, là. Mais de la fin de semaine, là, gros... grosse félicitations à Luc Biron de les avoir eus. Félicitations à l'organisation, encore une fois. Ça s'est super bien passé. Puis, tu sais, nous, on a accès backstage. Là. On connaît les gens de la convention. On connaît tout le monde à peu près tous les niveaux. Puis, sans farce, pour nous qui avons accès à ça, on n'a pas vu de grosses bévues. Tout s'est bien passé. Non, c'est ça. Parce qu'on a vu, sans farce, il y a tout à des choses qui finissent par pas marcher. Ça, c'est sûr et certain. Je me suis pogné avec un bénévole le vendredi. Là, mais à part ça, ça va. Là. Ah, mais ça, les bénévoles sont pas au courant de tout, mais sans farce... Ils sont pas au courant de notre célébrité. Non, c'est ça. Mais non, sans farce... Le show burlesque. Ouais, show burlesque. C'est la troisième année, cette année, que ça se passe, puis sans farce, très pro, bien fait, pas mal mieux que la première année, parce que la première année... La salle n'était pas adéquate, l'éclairage non plus, mais là, on était dans l'ambiance, c'était bien fait, des belles performances, sans farce... Et on peut remarquer qu'il y a des gens qui sont cabochons. Oui, effectivement. on racontera pas toute l'histoire, là, mais il y a du monde niaiseux dans la vie. mais bref, ouais, en gros, rapidement comme ça, pour mes commentaires, là, vous pourrez en avoir d'autres, justement, ça. Parce que là, Andrew, on s'entendait pas beaucoup. Parce que vous allez voir, il y a de l'ambiance pas mal dans la vidéo, là. Ouais, ben la salle de jeu était très animée. Il y avait Carta Magica qui était là avec des jeux géants, des jeux de plateau, des compétitions de jeux de cartes. Il y avait des tables pour faire du jeu libre. Il y avait les jeux vidéo. Je trouvais que la salle de jeux vidéo était un petit peu moins garnie que les années passées. Ah, je la trouvais mieux organisée, moi, en tout cas. Mieux organisée, mais un peu moins garnie. Ah, c'est Mais pas moins garnie dans le principe qu'il y avait moins de consoles. Toutes les mêmes générations de consoles était là. T'es dans le fond, vous aviez tout l'éventail du Nintendo ordinaire jusqu'à... Il y avait, je pense, un Saturn puis tout le kit. Tout est là. Ça n'a pas changé, sauf que l'année passée, c'était un autre gars qui s'en occupait. Puis là, il y avait beaucoup plus de bornes d'arcade. Il y avait plus d'exemplaires des machines. Tandis que là, c'est un accord entre Naruto U et G-Anime qui, finalement, Naruto U fournissait des jeux pour la salle de jeux en plus de la collection que G-Anime avait déjà. Moins qu'est-ce que le gars qui s'en occupait avant avait. Fait que, tu sais, dans le fond, il y avait pas moins de choix. C'est juste qu'il y avait peut-être moins de même machine. Ouais, c'est ça. Disons que, il y avait pas trois exemplaires de la même machine. Fait faire un peu plus la file. C'est ça. Sauf que plus que le centre des congrès est en rénovation, un des gros plus qui a été fait, c'est qu'à ils peuvent descendre des fils du plafond. Ouais, c'est pas mal la configuration qu'il y a eu cette année. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, c'est, comme je dis, un peu moins de stock, mais tout aussi de qualité. Ouais, c'est juste que il n'y avait pas trois Kennec dans la salle. T'es non, c'est sûr. Puis le Jenga géant que vous allez entendre et voir pendant dans l'émission spéciale. Je vous avertis tout de suite, l'émission spéciale, c'est un peu n'importe quoi. On était tous fatigués. On a improvisé de quoi. Moi, je voulais avoir les impressions des gens qui étaient là. Vous allez entendre Luc Biron qui nous fait... Lady Gaga qui va être là. On a Luc Biron, c'est ça, qui nous a fait un retour à chaud sur son festival. Qui était très, très content. Puis il y avait la voix des fêtes, là, comme à chaque samedi soir en convention. Mais il était très content de ce qui se passait. On a Luduc, notre ami Luduc, qui était là justement en Lady Gaga. Sous sa forme Lady Gaga. On a Philippe de Rouville, un ami personnel que vous entendez à l'occasion. Duke Nukem. Sous la voix de Duke Nukem, notre indicatif à l'émission, qui est chef de la sécurité là-bas. Donc on aimait ça la voix. Et on avait aussi Sabrina Cloutier, des Geeks Contre-Attaque, qui nous accompagnait dans l'auto. à l'hôtel et tout pour ses propres reportages et sa propre visite. Donc on l'avait invité évidemment sur notre, on pourrait dire notre plateau de Puissance Maximale pour avoir ses impressions. Oui, elle nous a dit qu'elle avait aimé ça et n'importe quand. C'est toujours le fun de pouvoir embarquer avec des gens. Puis on a rencontré beaucoup de youtubeurs aussi sur place, il faut le dire. Ça fait des belles rencontres. Donc, vous allez voir là l'émission. Il y avait beaucoup de bruit. On n'avait pas de casse d'écoute. Ça aidait pas. L'année prochaine, on va essayer de se patenter de quoi. Mais Oui, question qu'on puisse m'entendre quand je parle aux gens. Oui, parce que Andrew essaie de nous parler. Il est un peu loin de nous. Je peux pas crier. C'est... Non, c'est ça. Donc, mais en tout cas, belle expérience. Vous allez voir la vidéo. Je l'ai pas encore vu. J'ai hâte de... C'est monsieur Mathieu Charon. D'ailleurs, on le félicite et on le remercie, qui est à la technique, à Janimé, qui nous a arrangé ça d'une main de maître, comme l'année dernière. Donc, j'ai hâte de voir ça, ce que ça donne prochainement sur votre YouTube. Et d'ailleurs, puis-je me permettre d'un conseil maison? Ben oui, vas-y. Si vous êtes du genre party et que vous participez dans les parties pour faire des amis, faites attention, à Janimé, il y a une aura. Que même le vendredi soir, après que tu aies travaillé, que tu t'es tapé 5 heures de char, ouais. Que tu te dis que je vais prendre 2 bières tranquille avec des amis, t'envires une sincère pareille. Oui, on a eu deux grosses soirées à Janimé. Mais c'est ça qui est le fun, en fait. On a vraiment des bons amis. On rencontre du super monde à chaque année à Janimé. Puis ça fait... On a des beaux parties les vendredis et samedi soir. Et les squatteurs de chambre. Et les squatteurs de chambre, dont un des bands qui a joué le vendredi soir. Il y avait deux bands. Puis je pense que c'est Prestart to Play. C'est la gang de Prestart to Play qui est rentrée dans notre chambre à cause, entre autres, de Sabrina. Puis on a joué avec eux autres. C'était super le fun. Une super belle soirée. Ils nous ont acheté de la bière. Puis on s'est couché à 4h30 du matin. Ça a été très, très plaisant, mais difficile sur le dodo. Surtout pour moi. Ouais, ça a été assez difficile. Mais écoutez, sur ces bonnes notes, voilà, c'est un peu notre retour sur Janimé. On vous invite à surveiller le site internet pour la publication de l'émission spéciale version vidéo dans les prochains jours / semaines. Et voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, on va retourner en pause musicale. Et après ça, on va revenir tout de suite après l'entrevue avec le joueur du grenier que j'ai réalisé là-bas à Janimé. Et tout de suite après, une autre pause musicale. Et finalement, l'entrevue avec monsieur Thierry Bourdon, voix, entre autres, de D'Artagnan dans Sous le signe des mousquetaires. Tout ça, back à back. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Everybody drink right now. Transmission, Third World War, third round. A decade of the weapon of sound above ground. Ain't no shelter if you're looking for shade. I lick shots at the brutal charade. As the polls closed like a casket on truth devoured. A silent play on the shadow of power. A spectacle monopolized. The camera's eye on choice disguised. Lights out, guerrilla radio. Turn that shit up. Thank you, baby. Lights out, guerrilla radio. Turn that shit up. Was it cast for the mass who burn and toil? Or for the vultures who thirst for blood and oil? A spectacle monopolized. They hold the reins and stole your eyes. The fist of guns, bullets and bombs. Who stuff the banks and stab the party ranks? More for gore or the son of a drug lord? None of the above, fuck it, cut the cord. Lights out, guerrilla radio. Turn that shit up. Lights out, guerrilla radio. Turn that shit up. Lights out, guerrilla radio. Turn that gorilla radio. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Salut, c'est Fred. Seb. Vous écoutez Puissance Maximale. maximal. Il y a plein de mal. Alors, Michael, j'ai animé 2014 pour Puissance Maximale et je suis en compagnie de deux des invités d'honneur et ça me fait extrêmement plaisir de leur parler. Je vais parler avec Frédéric et Sébastien, donc le joueur du grenier et Seb. Bonjour, comment ça va? Salut, ben ça va bien. Ça va bien, tranquille. C'est un peu frigorifié, mais sinon, nickel. Donc, c'est votre premier voyage au Québec? Carrément. La grande première, On était déjà allé aux States, mais c'est que le deuxième voyage qu'on fait en Amérique du Nord, en fait. Donc c'est la première fois au Québec, puis première fois dans une convention aussi québécoise. Bah oui. Donc voilà, on est très content. Donc, première question, évidemment, ce que les gens se posent souvent, c'est pourquoi le joueur du grenier? D'où est-ce que c'est venu l'idée de commencer une série sur YouTube pour parler des jeux rétro? Votre inspiration? Et pourquoi, finalement, vous avez décidé de vous lancer? Tu connais la réponse par cœur. Sortir un métaphone. À l'origine, le joueur du grenier? En fait, c'est qu'on on travaillait dans la même boîte, on faisait des vidéos aussi, dans un domaine carrément avant, on faisait des vidéos institutionnelles. Et on est arrivé sur une période de notre boulot où on avait moins de taf. On n'avait plus rien à faire, mais on avait quand même 6 mois de salaire à tirer où on était payé à plus rien faire en fait. Et du coup en fait on s'est dit il y a deux choix, ou alors on fait rien, ou alors on fait des vidéos nulles qu'on continue de faire ce qu'on faisait. Continue à pratiquer histoire qu'il n'y ait pas de trou dans le CV. Voilà. Ou alors on essaye de faire des vidéos, on continue des vidéos mais en faisant quelque chose qui nous plaît. Et donc moi j'étais très fan, enfin Seb aussi, on était très fan de la VGN aux États-Unis. Et donc la réflexion qu'on se faisait c'est con, ça n'existe pas en français. Et en français, parce qu'à l'époque en France il n'y avait rien, il n'y avait que du let's play, il n'y avait que des let's players. Il y avait Hooper qui est un des vieux dinosaures du circuit dire. Mais voilà, au niveau de YouTube il n'y avait que ça, il n'y avait que des let's players qui parlaient derrière des images de jeu. Avoir un personnage identifiable, de la mise en scène, quelque chose d'écrit, de travailler, de monter, ça n'existe pas. Il n'y avait rien de scénarisé, il n'y avait rien de construit réellement. Et donc on s'est dit on va tester. Donc on s'inspire du modèle de la VGN, on a changé un peu le type d'humour pour que ça nous corresponde à nous, parce que lui il avait un humour très très américain, très gras, qui nous plaisait pas forcément. Et donc nous on s'est plutôt basé sur l'humour que nous on aime, et donc c'est comme ça qu'on a créé Joueur du Grenier. À la base on comptait faire ça 6 mois, le temps de la fin de notre contrat, et puis arrêter, partir au chômage et trouver autre chose, trouver un autre boulot. Et finalement au bout de 6 mois en fait on s'est aperçu que ça marchait bien, que les gens suivaient, et puis donc on s'est dit on va continuer un peu, et ainsi de suite, et voilà. La raison pour laquelle vous parlez des jeux rétro et pas de jeux récents, est-ce que c'est à cause du Angry Video Game Nerd, ou c'est vraiment un choix personnel parce que vous êtes un grand fan de jeux rétro C'est parce que c'est notre enfance en fait, tout simplement. Nous on a 30 ans, donc on est pile dans la bonne année où ça correspond, où on avait les premières consoles à 7, 8, 9 ans, c'était l'époque 8 bits. Donc c'est pile au bon moment, c'est pour parler de notre enfance. Puis il y a aussi le côté nostalgique, c'est surtout ça. On voulait parler de jeux que tout le monde a eu quelque part, et que tout le monde a ragé dessus, donc voilà, c'était cette émotion commune que tout le monde a eu dessus, et voilà, c'est ça qu'on voulait partager quoi. C'est la nostalgie globalement. C'est pour ça qu'aussi qu'on a développé en parallèle les hors-sujets où on parle de dessins animés justement de la même période. C'est ça. Pour la construction d'un épisode, vous avez évidemment, pour les gens qui en doutent, il y a quand même de l'écriture à faire, il y a beaucoup de préparation. Ça vous prend combien de temps finalement pour, jusqu'au moment où vous allez mettre en ligne la vidéo au complet pour travailler sur une vidéo, ça vous prend à peu près combien de temps? Ça varie, mais en moyenne, on va dire c'est 3 semaines à peu près. C'est à peu près 3 semaines en gros. Si on trouve le jeu rapidement, c'est 3 semaines. Après, ça peut être un peu plus. Ça dépend de la vidéo, ça dépend s'il y a beaucoup de tournage, ça dépend s'il y a beaucoup d'effets spéciaux. On patine toujours sur une étape, on sait pas laquelle. Des fois, c'est le choix du jeu, des fois, c'est l'écriture, des fois, c'est le tournage. Des fois, on va trouver le jeu direct, des fois, on le connaît même avant de commencer. Des fois, on va trouver le jeu et au bout de 3 jours, on s'aperçoit que c'est nul. Ou alors on a tourné, il faut faire plein de rustines, retourner des sketchs, des séquences. En moyenne, c'est ça. C'est la première semaine. Les 2 premières semaines, on teste le jeu et en même temps on écrit. On capture les rushs, etc. Et ensuite, on prend 2 jours pour le tournage et la dernière semaine, c'est une semaine de montage. En général, quand tout se passe bien, c'est ça. Mais après, il y a souvent on s'aperçoit qu'on a oublié de tourner des trucs, qu'il faut retourner, ou on s'aperçoit au moment du montage. Il y a des gars qui sont pas drôles du tout. C'est ça. On s'aperçoit à la poubelle. Au moment du montage, on s'aperçoit qu'on a écrit des trucs et quand on les tourne, on s'aperçoit que c'est nul, que c'est pas drôle du tout, et du coup, on est obligé de les refaire, etc. Parce que des fois sur le script il y a marqué mise en scène Star Wars et c'est tout ce qui a marqué, c'est-à-dire on a rien prévu, pas de costume, que dalle, et on se retrouve le jour du tournage, bon on fait quoi, et on est sur fond vert en train de faire les idiots, donc on se dit non il faut retravailler le truc, voilà. Ouais. Mais dans l'imagination ça fonctionne très bien, le gag est drôle et tout, mais voilà, après il faut le réaliser, c'est ça le problème. Pour le choix, dans le cas des jeux, pour le choix des jeux, est-ce que vous allez dans votre collection personnelle ou des fois vous regardez ce que vous avez à la maison, vous souvenez, ou j'imagine que vous avez aussi des suggestions des fans? Oui, il y a beaucoup de suggestions, parce que, je veux dire, nous, on avait quelques mauvais jeux quand on était jeunes, mais au bout d'un moment, on n'avait pas non plus que des mauvais jeux. C'est vraiment avoir la poisse, ça, ouais. Sur toutes les consoles de jeux, avoir que des mauvais jeux, non. Surtout que passer une époque, pour les 8 bits, on l'a encore, c'est compréhensible, mais pour tout ce qui est 16 bits, déjà, il commençait à y avoir les magazines de jeux vidéo, les consoles plus, etc. Donc là, tu savais à peu près quand les jeux étaient nuls, et donc tu les achetais pas. Mais on regarde beaucoup. Au début, c'était des collections perso, c'était vraiment des souvenirs perso. Après, oui, il y a des fans qui ont envoyé, qui nous ont fourni des jeux. Mais après, c'est selon les thématiques aussi. Quand nous, on fait une recherche, on essaie de rester dans un thème précis. Et donc, c'est eBay, quoi. On adapte la mise en scène à ça. Ouais. Je me demandais quelles sont les difficultés, parce que pour plusieurs, là, être YouTuber, c'est pas un métier, mais c'est quand même, ça demande beaucoup de temps. Là, on vient de vous entendre le dire. C'est quoi les principales difficultés de ce métier-là? Vous avez, entre autres, là, vous encore là, on a eu les derniers trucs avec les politiques de YouTube, les fans aussi, les commentaires, des fois que vous devez recevoir, qui ne doivent pas tous être positifs, même des fois, vous devez avoir des trucs même agressifs. Là, comment on vit ça? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez tous les jours? Moi, je dirais la principale difficulté, déjà, c'est de se renouveler, parce que c'est très dur, parce qu'on est quand même dans un domaine... Les émissions Jour du Grenier, c'est quand même tout le temps la même chose. C'est quand même tout le temps prendre un mauvais jeu et râler dessus. Donc le concept est ultra redondant. Et au bout de là, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Au bout de 4 ans, c'est vrai que du coup, la difficulté, c'est toujours de réussir à faire une nouvelle émission, mais que les gens n'aient pas l'impression de se dire c'est tout le temps pareil, quoi. Et après, je dirais, moi personnellement, la seconde grosse difficulté, pour moi, à mon sens, c'est vrai que les gens sont extrêmement cruels des fois dans les retours, dans les commentaires, quand on passe énormément de temps et que le mec va remarquer le tout petit détail en disant ouais bof, parce que là il y a ça, tu vois, et qu'il va oublier qu'il va juste dire bon, j'ai rigolé pendant 19 minutes mais sur la 21e minute j'ai pas rigolé, donc j'ai pas aimé. Donc c'est vrai que c'est très très cruel des fois, et on n'est pas, contrairement à la télé, les mecs qui sont à la télé, ils font leur émission, après c'est d'autres gens qui la montent, d'autres gens qui la foutent en ligne, donc ils en ont rien à foutre. Le présentateur qui fait une émission sur TF1, il en a rien à foutre de savoir que son émission elle va plaire ou pas, il s'en bat le steak, quoi. Alors que sur YouTube, tous les YouTubeurs, moi tous ceux que je connais, tout le monde va beaucoup lire les commentaires, et du coup on est blessé. On est vraiment à l'écoute, toi, des commentaires, donc des fois ça blesse quand les commentaires sont assez cruels, quoi. Mais moi surtout, mon souci par rapport à ça, c'est le manque de considération, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un vrai métier ce qu'on fait, enfin dans l'inconscient collectif, quoi. Être youtubeur, faire des vidéos, c'est plus une passion qu'un métier. Mais en même temps, il y a un vrai travail quand même d'écriture, de tournage. On se donne vraiment du mal, quoi. Donc quand on dit ouais, mais de toute façon, voilà, vous faites ça pour vous amuser, vous rigolez tout le temps, et c'est pas tout le temps le cas, quoi. Donc j'espère que ça va évoluer au fur et à mesure des années, mais il y a un problème par rapport à ça, quoi. Les gens considèrent. Oui, c'est des cons, les gens qui disent ça. Oui. Je suis désolé. Si on prend l'exemple d'un plombier, on peut pas dire ouais, viens réparer la plomberie chez moi parce que t'es passionné de ton truc, donc tu fais ça gratuit. Non, enfin voilà. C'est pour ça que, mais en même temps, c'est tout nouveau, youtubeur. C'est pour ça que les gens considèrent pas ça comme un vrai métier, mais on se donne vraiment du mal. Et comme disait Fred, ouais, on écoute vraiment les commentaires, on essaie de s'adapter, de pas faire les mêmes erreurs qu'on fait d'habitude. C'est pour ça que quand il y a des commentaires un peu trop gratuits, incisifs, qui font ouais, franchement, vous êtes pas foulés, les gars, ça fait un peu mal au cœur. Ouais. Est-ce qu'on finit, remarquez, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais est-ce qu'on finit par un peu s'immuniser à ce genre de remarques-là? Vous voyez une remarque, c'est n'importe quoi, là, vraiment, lui, c'est aucunement constructif, on passe directement à autre chose, ou à chaque fois, ça touche et on se sent mal? Je pense que jusqu'à un certain point, contre les trolls, au bout d'un moment, tu les repères et tu t'en fous, quoi. Les gens qui commentent en disant c'est de la grosse merde, allez tous crever. Nul, en majuscule, comme ça. Voilà. Ce genre de commentaire, effectivement, tu t'en fous parce que tu dis, bon, le mec, c'est un gamin, effectivement. Mais après, tu peux pas t'immuniser complètement contre les commentaires négatifs, parce que le jour où tu t'immunises à 100% contre tous les commentaires négatifs, c'est la fin. Ça veut dire que t'en as plus rien à foutre de ton public, en fait. Ça, c'est les commentaires négatifs qui font évoluer. Si tu regardes que les commentaires positifs, t'évolues jamais finalement. Tu continues à te dire, ah, je suis tellement bon dans ce que j'ai fait, ah, quel dieu. Et voilà, et à ce moment-là, t'avances pas. Et donc, c'est pour ça, il faut pas s'immuniser complètement aux commentaires négatifs, parce que si tu te bloques faut pas se déconnecter du public, tout simplement, quoi. C'est là où c'est fini, parce que c'est là où quand tu t'immunises. Vidéo pour toi, en fait. Voilà, finalement. C'est ça, quand tu t'immunises complètement aux commentaires négatifs, ça veut dire que t'écoutes plus ton public, ça veut dire que t'as la grosse tête, finalement. Donc, c'est là où c'est trop tard, quoi. Puis c'est pas le but, quand on est sur internet, c'est l'aspect interactif qui est cool, quoi. Donc c'est d'avoir un contact direct avec les gens, sans intermédiaire. Donc voilà, il faut écouter les remarques, même si elles sont pas très positives. Là, on va retourner du côté des jeux. Question toute simple, selon pour vous, le pire jeu auquel vous avez joué, que ce soit dans le cadre du Joueur du Grenier ou dans votre côté perso, les pires jeux rétro auxquels vous avez joué? Il y a une époque où moi j'aurais dit Tortue Ninja, mais plus le temps passe, moins je trouve que c'est vraiment... C'est ça, c'est au fur et à mesure qu'on évolue dans le Joueur du Grenier, qu'on gratte un peu comme ça dans le purin pour essayer de trouver des mauvais jeux, on tombe sur pire à chaque fois, donc on peut pas dire, c'est plus crédible. Tortue Ninja, c'est un super jeu à côté de tout ce qu'on a essayé, quoi. Moi, je repense aux douleurs physiques que j'ai ressenties en jouant à Dragon Slayer ou aux Zelda CDI, quoi. C'était infernal, quoi. On n'en pouvait plus, on devenait fou et on rigolait de folie, quoi, à la fin de la journée. Donc, je pense que c'est quand même Dragon Slayer qui m'a. Le NES, c'était vraiment à vomir. C'était vraiment à vomir, d'autant plus qu'en plus, en 50 Hz, du coup, le jeu était ralenti par rapport à la version américaine. Parce qu'en Europe, voilà, les jeux sont ralentis, quoi. Et ça, c'était vraiment à gerber, quoi. À mon avis, je pense que c'est celui-là. Et sinon, d'un côté plus joyeux, le meilleur jeu rétro, votre préféré, la Palme d'Or selon vous? Bon, pour moi, c'est Suikoden 1 sur PlayStation, sur la première PlayStation. C'est mon jeu préféré, c'est mon RPG préféré en fait. Moi, t'en es rétro, ben moi j'irais Zelda 2 ou 3, mais je vais dire le 2 parce que c'est le mal aimé et puis c'est le premier qui m'a fait découvrir la saga et j'avais vraiment accroché et c'est un jeu qui m'a permis d'apprendre l'anglais, même si les traductions étaient pourries. Ça m'a fait sortir mon petit dico, essayer de traduire pour essayer d'évoluer dans le jeu. Donc toi, tu peux dire Zelda 64 aussi, bon après c'est la génération rétro. C'est Ocarina of Time, un de mes préférés, mais en rétro, le 2 quand même. Moi, si tu vas en rétro pur, je dirais Legend of Thor aussi, sur lequel j'avais beaucoup. Link's Awakening, t'as plutôt. Zelda Link's Awakening. Et sinon, votre console rétro préférée, celle que vous adorez jouer encore aujourd'hui? Le choix de cœur, ça serait la Mega Drive. Pour moi, c'est parce que c'est la console que j'ai eue le plus longtemps, sur laquelle je me suis le plus amusé, etc. Et pourtant, je sais pertinemment, si je réfléchis deux secondes, c'est sûr que la Mega Drive ne faisait pas le poids face à la Super NES. Ouais, c'est la Super NES et... La preuve que la guerre est terminée, nous sommes travaillons ensemble, donc voilà, génération Sega, génération Nintendo, mais voilà, non, c'était les super consoles de l'époque, puis ouais, Super NES, il y a tellement un répertoire de jeux qui est fantastique, puis ouais, il y a l'aspect multijoueur aussi, je me rappelle des Mortal Kombat, des Street Fighter, enfin voilà, quand des potes venaient à la maison pour le goûter, on faisait des parties, enfin bon, voilà, que des bons souvenirs à rapport à la Super Nintendo. Et comme dernière question... Les projets futurs du Joueur du Grenier, il y a encore, j'imagine, là, les épisodes réguliers qui vont continuer. On a Papy Grenier, on a les spéciaux aussi, comme sur les dessins animés aussi que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez d'autres projets où on va rester dans ce créneau-là, disons, pour la prochaine année? Cette année, il se trouve qu'on a pas mal d'idées de vidéos en avance. Beaucoup dans le cadre du Joueur du Grenier. C'est ça, ce qui est rare. Du coup, on a vraiment pas mal d'idées. Notamment, après, on va reprendre les papiers greniers. On le tourne en rentrant du Canada. On a déjà l'idée du prochain papier grenier aussi. Et les JDG, on a déjà 5-6 idées pour les vidéos de cette année. Donc, c'est assez cool. Puis après, on va en revenir sûrement. Ouais, voilà. Mais après, voilà, déjà, bon, vu qu'on sait quoi faire sur les 5-6 prochains mois, on va pas se prendre la tête à réfléchir. On va pas développer encore de nouveaux concepts, mais ça viendra, à mon avis, quand le Joueur du Grenier, ça commencera à s'essouffler. Au lieu de faire une espèce de caricature de nous-mêmes, on va essayer de développer de nouvelles choses. Papy Grenier, ça fait partie de ça. Voilà, donc on trouvera matière à s'amuser, y a pas de problème. Et je vous remercie beaucoup, Frédéric, Sébastien, donc le Joueur du Grenier et Seb. Merci beaucoup d'avoir participé à Puissance Maximale. Merci. Merci beaucoup. Bisous. The morning sun of June. The morning sun of June. oui, mesdames et messieurs, Michael Michaud à Janimé 2014, et j'ai l'immense honneur d'être en présence d'un des invités d'honneur de la convention, quelqu'un que vous avez sûrement entendu plusieurs fois dans votre jeunesse, mais vous en doutez peut-être pas, mais c'est un doubleur qui est... en tout cas, moi, j'ai regardé tout ce qu'il a fait, j'ai été vraiment impressionné, et je me suis rendu compte qu'effectivement, plusieurs des dessins animés de mon enfance... il a fait partie de ces dessins animés-là, Monsieur Thierry Bourdon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je vais vous reposer une question que je vous ai posée tantôt hors d'onde. Le voyage s'est bien passé. Vous vous plaisez au Québec? Écoutez, c'est formidable. J'ai été très bien accueilli. Je dors, je mange. Et voilà, et je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, vous allez voir, c'est pas des questions très compliquées. Ça va être, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui connaissent votre voix, mais qui connaissent peut-être pas votre carrière. Oui. Et je vais sûrement vous reposer des questions que vous avez entendues des centaines de fois, mais que les gens au Québec, malheureusement, n'ont pas entendu les réponses. Donc, je vais commencer cette entrevue avec vous. Norma, une question que tout le monde doit vous poser. Qu'est-ce qui vous a amené au jeu à être comédien? Parce que être doubleur, c'est être comédien aussi. Alors, être doubleur, c'est déjà être comédien à la base. Et donc, j'ai commencé à la télévision française à tourner des séries, des feuilletons, des dramatiques en tant que comédien. Et on m'a proposé très très rapidement des rôles dans le doublage. Et donc j'ai accepté. Au début, j'avais énormément le trac, c'était très difficile, mais surtout que la technique a énormément évolué entre temps. Mais faut savoir qu'au départ, c'était pas très facile, parce que bon, on ne pouvait pas reprendre, il fallait être bon assez rapidement. On pouvait pas faire des montages, on n'avait pas la technologie qu'on a maintenant. Et donc c'était j'étais très jeune, et je dois dire que les premiers dessins animés japonais que j'ai faits, j'étais un petit peu surpris, parce que j'avais pas l'habitude. Et d'ailleurs, on n'était pas très bien vu de l'ensemble de la profession, puisque les gens comme moi qui doublaient des mangas, des dessins animés, on nous disait « Oui, mais vous faites des japonaiseries ». Ce qui n'était pas très gentil à l'époque pour nous, mais très vite les choses ont changé. Les gens se sont rendus compte que ce qu'on faisait, c'était pas si facile. Ça demandait beaucoup de technique, énormément de technique. Il y avait beaucoup de textes. On comprenait pas toujours les histoires, parce que c'était quand même très compliqué. On n'avait pas beaucoup de temps pour enregistrer. Hein. Souvent, on enregistrait en direct. Donc, fallait y aller direct avec l'interprétation, avec la voix, avec tout ce qui va avec. Quoi. Il n'y avait pas beaucoup de temps de préparation à ce rôle-là. Aucun temps de préparation. C'est-à-dire, vous arrivez au studio, vous voyez l'image, on vous dit c'est ton personnage, oui, d'accord, c'est un gros crapaud, donc je vais faire le crapaud, qu'est-ce que je vais faire là-dessus, je ne sais pas. Donc, et puis voilà, on partait un peu dans un délire, mais comme on était des équipes très soudées, avec des gens que vous connaissez un peu comme Jackie Berger et tout ça, comme on était des amis dans la vie, au quotidien, c'est-à-dire ça ne s'arrêtait pas que le jour de l'enregistrement, on déjeunait, on dînait ensemble, on allait même en vacances ensemble. Donc, il y avait une très bonne ambiance, ce qui fait que quand on enregistrait, très vite, avec l'ambiance, tout ça, ça se mettait en place. Et les quelques craintes ou peurs qu'on pouvait avoir, ça était très vite balayé, et très vite on rentrait dans nos personnages, et voilà. Est-ce que vous vous rappelez le premier dessin animé japonais que vous avez doublé? Je me souviens surtout d'Albator. Oui, Albator. Albator, parce que il y avait des gens formidables qui n'enregistrent plus maintenant, et moi j'étais très très très jeune, donc j'étais très impressionné évidemment par leur virtuosité, je dirais, leur voix, oui, je crois que c'est Albator qui m'a le plus marqué au départ. Ensuite, il y a eu Candy, j'ai travaillé longtemps dessus, sur ce dessin animé qui arrivait du Canada d'ailleurs, parce que les premiers Candy ont été enregistrés à Québec, je crois, avec Amélie Morin dans le rôle de Candy, qui a repris son rôle quand elle est arrivée en France. Et donc moi, j'étais le fiancé de Candy, évidemment, j'avais un rôle de héros, bourreau des cœurs. C'était assez marrant, assez sympa. Je me demandais tout à l'heure, quand on a parlé, vous êtes comédien, vous en êtes arrivé au doublage, mais avant d'être comédien, est-ce que vous vous destiniez à ça au départ? Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé par faire de la musique. Je chantais dans une chorale. J'étais soliste, bon, donc, c'est-à-dire j'avais une voix qui sortait un peu du lot. Et ensuite, on a en France une école à Paris qui est l'école du spectacle. C'est pour les enfants qui font de la musique, qui sont à l'opéra, qui dansent ou qui jouent la comédie, qui tournent des films. Et donc, je suis rentré dans cette école à l'âge de 11 ans ou 12 ans parce que je ne pouvais pas suivre une scolarité normale vu que j'avais des cours de musique, des cours de piano. Je faisais de la danse aussi, je faisais beaucoup de choses. Et je commençais déjà un peu à tourner pour la télévision française, des films. Et donc, j'étais dans cette école et c'était pour moi, qui habitait la banlieue de Paris, quelque chose d'extraordinaire d'être avec que des enfants qui allaient tous ou être danseurs, musiciens, comédiens. C'était fabuleux pour moi, c'est un rêve extraordinaire. Au-delà du doublage, vous avez fait beaucoup, beaucoup de séries animées, on l'a dit tantôt. Vous avez aussi fait d'autres doublages pour des séries. Oui. Est-ce que vous avez quelques séries en tête que vous avez fait à l'époque? Et aussi, autre question reliée à ça, est-ce que vous avez fait de la scène ou de la télé, mais comme comédien, pas comme doubleur? Oui, oui, oui. Donc, j'ai commencé ce métier surtout à l'écran, vu que je travaillais pour l'ORTF à l'époque, c'est-à-dire la télévision française. Et j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Claude Santelli, et je jouais dans des dramatiques, des romans de Dickens, des choses de Balzac, des classiques, et donc des rôles d'enfants. Donc très jeune, j'ai eu cette chance de démarrer comme ça. Ensuite, de tourner des feuilletons pour la télévision. J'ai tourné pour la télévision française pas mal, plusieurs feuilletons, pour la télévision belge également. J'avais tourné un feuilleton qui s'appelle Les Galapia, qui était un feuilleton culte en Belgique. C'est une des premières productions belges de la RTB. Et puis, je suis commencé à faire du théâtre, à jouer des classiques, Molière, Beaumarchais, voilà. Je prenais des cours d'art dramatique pour me perfectionner. Et en même temps, j'étais musicien aussi. Je faisais beaucoup de musique. Et le doublage est arrivé, je dirais, très naturellement, puisque bon, des gens qui me voyaient jouer m'ont demandé effectivement si ça m'intéresserait de faire du doublage. Donc j'ai commencé, je devais avoir 15 ans, et je doublais une série. L'une des premières que j'ai doublées, c'était The Double Decker Bus. C'était une série anglaise, l'autobus à impérial en français. Ça s'appelait l'autobus à impérial, et donc voilà, j'étais avec un groupe de gamins, et on enregistrait ça, on s'amusait beaucoup, c'était très sympa. Et ensuite, bon, ben, il y a eu plein de séries, 8 ça suffit, Arnold et Willy avec Jackie Berger, qui est une série américaine très connue en France. Beaucoup, beaucoup de séries, j'ai fait tous les gamins dans la petite maison dans la prairie. Et je faisais tous les gosses. J'ai commencé par les plus petits jusqu'aux plus grands, en fonction de mon âge, en fonction du changement de ma voix. Donc j'ai travaillé sur cette série-là. Parallèlement, toujours les dessins animés japonais, évidemment. Et puis aussi pour le cinéma, où j'ai eu la chance... dans les premiers films cinéma important pour moi qui ont fait que j'ai pu continuer. Et j'ai enregistré dans Harold et Maud, j'ai doublé Harold qui était tiré d'une pièce très très célèbre. Et d'ailleurs, un de mes amis m'avait dit un jour, m'a dit, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais au comédien qui est dans ce film Harold et Maud? Alors à l'époque, c'est vrai, je lui ressemblais quand même beaucoup. Et on me téléphone pour faire des essais. Je fais des essais. Il y avait des gens formidables sur les essais, des garçons comédiens, mais formidables. Moi, j'ai débuté un peu, et c'est moi qui ai eu ce rôle, et j'ai eu cette chance de doubler Harold et Maud, c'est une version qui est toujours on peut toujours trouver, elle existe. C'est un film qui était formidable. Il y a une pièce de théâtre, évidemment, on l'a joué au théâtre, Et donc j'ai commencé comme ça avec ça, avec cette, avec ce film. Et entre et après j'ai travaillé pour Disney. J'ai eu la chance aussi de d'enregistrer une journée avec Meryl Streep parce que j'étais sur le film Le Choix de Sophie. Et donc j'avais le troisième rôle sur Le Choix de Sophie. Il y avait Kevin Klein et Meryl Streep et moi-même. Donc je doublais, je ne sais plus le nom de l'acteur. Et donc j'ai passé une journée avec elle. Elle est délicieuse, elle est géniale, adorable. Plein de belles expériences, oui. une carrière bien remplie. On en parlait tantôt hors d'onde, 45 ans de carrière. Oui. En 45 ans de carrière, est-ce que vous avez pu déterminer la qualité la plus importante pour un doubleur ou comédien dans votre métier? Qu'est-ce qui est le plus important? Je dirais... c'est difficile. Bien sûr, des qualités de comédien, ça c'est très important d'avoir ces qualités-là. Ensuite, la voix, si vous voulez, la voix, quand on fait du doublage, on doit s'adapter à l'image. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de faire du Thierry Bourdon ou du Jackie Berger ou je ne sais pas quel comédien. On est là pour se mettre au service de quelqu'un. Je crois qu'il faut, peut-être vous avez interviewé pas mal de gens qui font du doublage, et je pense que le propre des gens qui font du doublage, c'est pas se mettre vraiment en avant. C'est peut-être la qualité qu'il faut avoir. On n'est pas là pour, je ne suis pas là pour vendre ce que moi je suis là pour servir la personne que je dois doubler. Avant tout. C'est une excellente réponse. Je crois que c'est la définition que je donnerais. Et je pense que c'est une qualité qui est difficile pour les comédiens. Parce que quand on est comédien, on a un ego assez développé. Donc on a envie de se faire voir ou qu'on parle de vous. Et vous savez, un bon doublage est un doublage qu'on oublie, qu'on ignore. Quand on regarde un film et qu'on ne pense pas qu'il est doublé, c'est réussi. Voilà. Vous avez parlé de la voix... dans les qualités qu'un doubleur doit avoir. J'imagine que vous devez avoir quand même des sessions plus éreintantes que d'autres parfois. Vous faites, entre autres, là, je pense à la série Dragon Ball, où vous avez fait le personnage C-17. Il y a des scènes qui peuvent demander beaucoup à la voix. Est-ce que vous avez un truc pour garder votre voix en forme, ou en tout cas la protéger de ce genre de, des fois, du fait que ça soit trop éreintant, puisque ça peut pas l'endommager, mais disons l'éreinter quelque peu? Alors, la voix, c'est un muscle, hein, la voix, il y a un entraînement pour la voix. Je dirais une chose, moi j'ai eu la chance de chanter, j'ai eu la chance de prendre des cours de chant avec des gens très sérieux et d'avoir une voix, si vous voulez, qui ne subit pas trop les avarices du temps, vu que ma voix a très peu changé entre le début de ma carrière et maintenant. Je suis capable vous savez, j'avais doublé le film d'Alan Parker, Birdie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film magnifique. Un film magnifique, l'histoire d'un garçon qui devient fou d'ailleurs et qui se prend pour un oiseau. Et ce film était très, très, très beau, film d'Alan Parker. Et j'enregistre ce film. L'enregistrement dure 10 jours. Et 17 ans plus tard, les Américains, au moment où les DVD sont arrivés, décident, pour des raisons techniques, de refaire l'enregistrement. Ils me demandent de refaire des essais. Évidemment, j'accepte. Je refais des essais sur mon personnage de Birdie, donc d'Alan Parker, de ce film. Et là, stupéfaction, ma voix n'avait absolument pas changé. Donc les Américains m'ont repris sur le même rôle 17 ans plus tard. Et c'est vrai que ma voix, je serais capable de redoubler les dessins animés que j'ai doublés il y a 30 ans, parce que ma voix n'a pas changé. Je joue peut-être différemment. Je double des gens maintenant plus âgés, puisque je doublais un acteur de la BBC, Ricky Gervais, par exemple. Je l'ai doublé pas mal de fois, et c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, donc à peu près dans mon âge. Donc je suis capable de doubler des gens plus âgés, mais je serais capable encore de refaire dans Albator un personnage beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, C-17, je l'ai repris comme je l'ai fait à l'époque. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Pour vous répondre au sujet de la voix, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui vieillit très tardivement, qui reste très longtemps jeune, une voix. La voix, ça ne vieillit pas, à moins, je ne fume pas. Bon, à moins de fumer, à moins d'avoir une vie vraiment dissolu, je vais dire, faire la fête tout le temps. Bon, je fais la fête quand même pas mal, mais bon, disons que la voix, c'est quelque chose qui vieillit pas trop, je trouve, qui se maintient. Et ensuite, quand on a eu des très bonnes basques, ce qui est mon cas au niveau vocal, ma voix fatigue pas. J'ai eu un seul problème à une époque, c'est je faisais beaucoup de dessins animés, surtout au la période où j'enregistrais les Digimon, tous ces choses-là. Et j'étais pas en très bonne santé non plus à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir une chose, la voix est très tributaire de la santé. Quand vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué ou malade, votre voix, elle subit des dommages. Vraiment. Après, ça se remet très bien. Mais c'est les phases. Et j'ai eu une période, c'est vrai, où j'avais fait beaucoup de dessins animés. Quand on fait beaucoup de dessins animés, des fois, la voix est très aiguë, très grave, tout ça. Donc, on coince un peu la voix. On peut fatiguer la voix un petit peu. Et à cette époque-là, j'ai eu le réflexe de prendre des cours avec une chanteuse lyrique. J'ai fait du chant pendant un an. Je travaillais pendant un an. Elle m'a récupéré toute ma voix. J'avais plus de grave, j'avais plus de médium. Parce que j'avais fait trop forcer dans l'aigu pour les dessins animés. Donc, et elle m'a récupéré ma voix en un an. Mais j'ai travaillé pendant un an pour. Donc, c'est à moins de se briser la voix, mais c'est pas irréversible. Et après, il faut avoir une bonne technique et savoir gérer aussi le fait de crier. Mais nous, on sait faire. On n'a pas trop. D'ailleurs, des fois, quand je suis malade, j'ai la grippe. On n'entend pas. Ça s'entend pas. Non. C'est 45 ans. On a la gorge et on n'entend pas. C'est 45 ans de métier qui paraissent. Oui, je crois que oui, ça c'est vraiment... Mais c'est aussi du travail, je veux dire, c'est pas non plus le phénomène du hasard. Après, bon, on a la chance d'avoir une voix qui module, qui s'adapte en fonction... Et encore, au niveau du doublage, je veux pas dire qu'on n'a rien à faire, mais il suffit de regarder l'image. Vous regardez l'image et après, vous laissez parler votre imagination et elle va vous dicter ce que vous devez faire. C'est pour ça que c'est dur, des fois, quand on vous interviewe, on vous dit « faites telle voix », mais si vous n'avez pas une image ou vous n'avez pas une représentation, c'est pas très facile, parce que c'est abstrait. Mais quand vous avez un support, bon, c'est vrai que vous coulez dans le support, et puis c'est tout, voilà. Écoutez, Ordon, dont on disait tantôt... que vous avez, après 45 ans de carrière, je le répète, c'est difficile de se rappeler de tout ce que vous avez fait. Oui. Moi, j'avais quelques questions, entre autres, peut-être le personnage préféré que vous avez, que vous avez fait, ou votre projet préféré que vous avez fait pendant votre carrière. Ça peut être assez difficile comme question, je le conçois. Si vous avez un flash, peut-être, comme ça. On a parlé d'Albator tantôt, ça c'est sûr et certain. Je vous ai parlé des films comme Harold et Maude, parce que c'est un très beau film, comme Birdie d'Alan Parker, parce que c'est un rôle très intéressant. Et puis j'ai eu la chance de doubler d'autres personnages, je pense dans Master and Commander par exemple, où je double le capitaine du bateau. Quand on me voit physiquement et qu'on entend ma voix, j'ai dit au directeur de plateau, au directeur artistique, mais pourquoi tu m'as mis sur ce personnage? Mais tu as vu, il est grand, il est gros, je vais jamais le remplir, je vais jamais réussir. Il m'a dit, mais tais-toi, tu le fais, c'est bon, c'est pas toi qui décide. Donc nous on est vraiment là pour servir. Il faut vraiment beaucoup, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité. Je dis pas ça pour me mettre en valeur ni pour me vanter, mais il faut savoir rentrer dans les personnages, être à leur service. Et quand vous avez un comédien qui est bon à l'image, qui est bon à l'écran, c'est pas difficile. Par contre, des fois, on a des comédiens qui sont pas très bons. Et d'ailleurs, on dit un peu, ça c'est pour nous, peut-être, c'est l'autosatisfaction, on dit qu'on peut arranger des fois un comédien qui est pas trop bon. Nous, on est capable de faire un peu mieux sur un doublage. Quand on a un comédien qui est pas excellent, on peut l'améliorer un peu quand même. Ça peut paraître prétentieux ce que je dis, mais je le pense. Mais c'est tout à fait logique. On peut un peu réinterpréter le discours qui est dit, voilà. Et donc, je suis toujours très heureux de travailler. Évidemment, je travaille moins qu'à une certaine époque où je n'arrêtais pas. Et c'était bien normal, j'étais très jeune. Et c'était une période où il y avait beaucoup moins de comédiens sur le marché qui travaillent. Parce qu'il y a des comédiens maintenant au doublage, et pas qu'au doublage d'ailleurs, mais qui sont excellents. Dans les jeunes, ils sont extraordinaires. Et quand je dois travailler avec eux, même sur des dessins animés, j'ai le trac parce qu'ils sont redoutables. Ils ont beaucoup de techniques, ils sont... sont extraordinaires. Ils sont... Je me souviens des Digimon, quand j'enregistrais les Digimon, j'enregistrais avec un groupe de garçons et de filles très jeunes qui étaient très performants. Et donc, j'avais, comme j'étais plus vieux qu'eux, j'avais un peu la trouille parce que j'avais plein de voix à faire différentes et il m'arrivait d'oublier quelle voix j'avais pris. Et j'étais très vite rappelé à l'ordre par ces jeunes comédiens redoutables qui me disaient non, c'est pas la voix que tu faisais sur ce personnage. Alors, j'avais fini parce que je m'étais dit, bon, faut pas que je me plante, j'avais un trac fou. Alors, j'avais un petit carnet et puis je disais tel personnage, je marquais le nom du personnage et enfin, je disais voix aiguë. Voix grave ou n'importe quoi. Je mettais un petit rappel pour me souvenir ce que je faisais parce que j'avais pas envie de me faire attraper, de me faire cueillir par les autres qui étaient un peu redoutables avec moi, sachant tout ce que j'avais fait en plus. Parce que, bon, évidemment, les gens étaient conscients que j'en avais beaucoup plus qu'eux, mais ça veut rien dire parce qu'on est quand même très fragile. Vous savez, je peux dire une chose, c'est que c'est jamais acquis. Moi, je vois des gens qui sont formidables et il y a des jours où c'est pas ça. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi. En doublage, mais c'est exactement ça. Sur ces paroles de sagesse, M. Bourdon, c'est déjà la fin de notre revue. Je vous remercie beaucoup, très généreux. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite évidemment un bon festival et un bon retour à la maison également. Merci beaucoup. Merci à vous. en direct de Gatineau. Ici Ramis pour Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après beaucoup de choses en rafale. Vous avez entendu nos entrevues, celles avec Joie du Grenier. Vous avez entendu leur indicative juste avant qu'ils nous ont fait. Ça fait mal, très mal. Puissance Maximale. C'était n'importe quoi. C'est tellement drôle. Et vous avez entendu aussi M. Thierry Bourdon. Vous venez toujours entendre avec sa dédicace de Ramis, avec la voix de Ramis. Qui était supposé jouer avant l'entrevue. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et donc, Ramis, on vous rappelle qu'il est un personnage d'Albator 78 et qui apparaît aussi dans d'autres séries d'Albator. Vous avez aussi entendu The World Needs a Hero de Megadeth, Gerida Radio, version Richard Cheese, Traveler in Time de Blind Guardian et à l'instant Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Et maintenant, c'est presque déjà la fin, M. Castegan, de l'émission. Ça a été évidemment très occupé, beaucoup d'entrevues et une super chronique de Diego, mais là... C'est l'heure des nouvelles en rafale! Oh oui, les nouvelles de Ludique. Et M. Castegan, on va commencer par une nouvelle bizarre. Il y aurait un autre jeu de Duke Nukem en chemin. Oui, on a partagé la nouvelle. Et je le refais tout de suite. Sur les faces de book. Et en fait, j'en ai parlé cette semaine à M. Michaud. Et je suis fier de moi. Le pire, c'est que je ne sais tellement pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus. De scooper jeuxvideo.com. J'ai scoopé jeuxvideo.com. On ne l'a pas publié sur le moment même sur le site, mais j'ai tombé sur la nouvelle avant jeuxvideo.com. Fait que, ça fait mon petit velours à moi. Mais comme sérieusement, j'ai aucune idée pourquoi je suis tombé là-dessus. Je pense que je parlais d'une affaire avec un collègue de job, je suis tombé là-dessus. Bref, une patente. Et là, en fait, t'es tombé sur un site internet sur lequel on peut trouver un paquet de gomme, dont il est marqué dessus Kick-Ass Spearmint Bubblegum. On se rappelle que une des expressions de Duke Nukem est It's time to chew bubblegum and kick-ass. Non, it's time kick-ass to and chew bubblegum. Gum, voilà. Et donc, ça fait référence but à I'm ça. All out of gum. Puis là, il y a un beau timer maintenant qui est à 19 jours, 16 heures, 12 minutes et 14, 13, 12, 11 avec secondes. Avec deux logos dans le bas, un logo de 3D Realms. La compagnie originale. Oui. Et la compagnie Interceptor, qui est finalement, tout ça, ce serait un remake next-gen de Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D, voilà. Qui est le troisième et non pas le premier Duke Nukem. C'est ça, donc ce serait une version reloaded finalement de ce jeu-là qui serait en route dans les 19 prochains jours. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Non, c'est ça, mais en même temps, Interceptor a été le studio qui a fait le remake HD dans le fond d'un jeu qui s'appelle Rise of the Triads, qui est disponible sur Steam, qui est dans le fond un peu le même principe que Duke Nukem 3D, là, un vieux jeu avec un vieil engine, que les autres se sont dit c'est un bon jeu d'action, on va le refaire sur le Unreal Engine. Pas chose à savoir, Interceptor, c'est un petit studio. Oh oui. Donc c'est juste qu'ils font tellement de la bonne job que les gros studios ils font toi je te paye pour que tu emmènes ton projet à terme. Donc ça serait la rumeur que ça serait ce fameux projet de Duke Nukem 3D qui serait endossé par 3D Realms pour une sortie prochaine sur les PC. Donc à surveiller parce que ça va faire changement du Duke Nukem Forever, du très mauvais Duke Nukem Forever. On pourra enfin retoucher à Duke Nukem dans sa version originale et dans sa meilleure version finalement. Sinon d'autres nouvelles? Oui! Le reboot du MMORPG Final Fantasy XIV qui avait fait une sortie, ma foi, très décevante et que Square Enix ont fait on s'excuse, on met la hache dedans et on repart tout à neuf. Qu'est-ce qui a ramené dans le fond le Final Fantasy XIV à Realm Reborn? Aurait été un franc succès et aurait fait en sorte que Square Enix aurait fait des profits en 2013. Dans le fond, on parle, juste pour rappel, en fait, Square Enix avait fait un gouffre financier en 2012 de 135 millions de dollars. On en avait parlé comme de quoi qu'on disait « Square Enix, ça va pas bien ». Mais on dirait qu'ils ont compris quand même un peu de ces efforts, de ces erreurs, parce qu'on parle d'un bénéfice de 60 millions de dollars pour 2013, dont une grande partie vient de ce fameux MMORPG qui gagne de plus en plus en popularité. Et en plus, qui a une sortie de prévue sur la PS4 le 14 avril 2014. Et mesdames et messieurs, décision de Square Enix, l'abonnement PlayStation Plus ne serait pas nécessaire pour jouer à Final Fantasy 14, uniquement l'abonnement mensuel du jeu sera nécessaire. Donc, pour les gens qui disaient « Ah non, je vais être obligé de payer deux fois un abonnement pour jouer », ben la réponse est non. Si vous voulez pas avoir le PlayStation Plus, vous pouvez jouer quand même à Final Fantasy 14 sur votre PlayStation 4. Donc, quand même, très bonne nouvelle. Et on rappelle aussi que l'abonnement mensuel joue entre 10 et 12 $. Je n'ai pas le prix exact. Je me fie à ce qui est écrit dans l'article. Méchant, bonne nouvelle. En tout cas, bonne décision de la part de Square Enix à ce niveau-là. Sinon, les gens qui attendent le jeu South Park, le bâton de la vérité. Oh oui! Le RPG qu'on a vu, le gameplay qu'on a fait. Je veux jouer à ça. Ça va être malade. Qui a été repris dans le fond, qui est fait par les studios d'Obsidian, qui a été repris par le grand studio de Ubisoft. Mais bonne nouvelle pour les personnes qui voulaient faire l'acquisition du jeu sur PC. Une des grosses peurs que les gens avaient, c'est que vous avez cru remarquer qu'on peut préacheter le jeu sur la plateforme digitale Steam. Mais les jeux Ubisoft ont une certaine notoriété, comme de quoi que ça prend une double validation de licence, donc un double DRM. Parce que, exemple, un jeu comme Anno 2070, vous avez besoin de Steam En Marche et du fameux magasin en ligne Uplay de Ubisoft pour valider votre licence. Donc, ça fait beaucoup de choses d'ouvert en même temps. Ben, bonne nouvelle, South Park sur Steam sera 0% Uplay, donc vous n'aurez pas besoin de cette plateforme harcelante sur votre poste. Vous allez pouvoir jouer dans le confort de votre bibliothèque Steam. Donc, bonne nouvelle. Effectivement. Sinon, autre nouvelle, le Humble Bundle ce mois-ci, sérieusement démoli, comme d'habitude. On parle ici de Humble Bundle thématique Sidemire Civilization. Donc, pour vous donner une idée, advenant un cas que vous décidez de mettre le montant maximal de 15$, vous avez le jeu Civilization 3 édition complète, donc le 3 et tous les DLC, Civilization 4 édition complète, le jeu et toutes ses DLC, Ace Patrol Pacific Skies Railroad, qui vous comprendrez, est des simulateurs d'avion et de bateau, train, et vous avez aussi le très excellent Civilization 5 et ses deux DLC. Juste pour vous donner une idée, juste les deux DLC de Civilization 5 dépassent le montant de 15$ minimum demandé par le Humble Bundle. Et si vous décidez de faire le don, vous pouvez décider de donner 0$ à l'éditeur de jeu, puisque c'est un gros studio, et donner entièrement le 15$ à des œuvres de charité et le Humble Bundle pour qu'ils continuent leur excellent travail. Donc, si vous êtes les fans de ces jeux de stratégie, un achat à considérer dans les prochains jours. Ouais, je t'ai envoyé ça hier parce que je sais que t'es un gros fan de la série Civilization. Je me suis dit, il y a juste les deux DLC que j'ai pas. Ben, pour le prix, même pour ce prix-là, ça vaut la peine. Ouais, oui, c'est sûr. Tu peux offrir les autres en cadeau. Ça fait une bonne action en même temps. C'est ça. Puis en plus, tu peux offrir les codes à tes amis pour leur faire découvrir cette série. Pourquoi pas? Mais c'est une bonne suggestion de cadeau, ça. Souvent, Humble Bundle, à surveiller ça pour envoyer justement. J'achète le truc. Voici le code, mon ami. Bon anniversaire. Joyeuse fête. Joyeux Hanouka. Whatever. Vous pouvez en profiter pour faire des cadeaux à vos amis avec cette plateforme-là. Et j'aurais deux dernières nouvelles rapides de Monsieur Michaud. Ubisoft aurait été victime d'une fraude en lien avec le jeu Watch Dogs. Moi qui avais peur au début, que quand tu m'as montré ça, cette nouvelle-là, je pense que c'est hier. Avant-hier. Puis là, je t'ai montré la nouvelle hier, mais la nouvelle était sortie avant-hier. Donc là, je vois ça, puis selon cette nouvelle-là, c'est que Ubisoft, c'est la nouvelle qui courait, a décidé de retirer le nom Watch Dogs, de s'en défaire. Là, tout le monde a fait « Ah non, ils vont pas annuler Watch Dogs », qui est quand même un des gros titres attendu cette année, qui a déjà été repoussé. Mais finalement, c'est pas ça. Ben non, en fait, Ubisoft a été victime d'une fraude au bureau de la United States Patent and Trademark Office, qui est comme, dans le fond, le bureau des ayants droit pour les noms de produits, et il y aurait eu un document frauduleux demandant un abandon express du nom Watch Dogs, qui aurait été signé par la main de Yves Guillemot. Qu'est-ce qui est totalement faux? C'est un document qui a été frauduleusement copié, et pas copié parce qu'il n'a jamais existé, mais qui a été frauduleusement créé, en fait, pour envoyer cette requête à ce bureau-là. Donc, Ubisoft n'a plus les droits sur le nom Watch Dogs actuellement. Donc, ils sont présentement en train de se battre en justice pour récupérer ce nom-là, parce qu'on s'entend-tu que c'est quand même assez important. Et le nom de l'initiateur de la fraude est pour l'instant inconnu, mais il est certain que des... j'en connais un qui... Qui sait? Ça. Peut-être c'est le mystérieux toaster. Peut-être. Qui sait? Qui sait? Mais... Je fais référence ici au site de la station. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait, être à la place de ce gars-là, moi, Ubisoft qui me court après, là, je suis le reptile dans mes shorts. Il est peut-être excellent, le gars. Peut-être. Peut-être. Mais ça tente pas de te faire pogner. Et sinon, dernière nouvelle rapide, Bethesda ont remis d'autres clés et même renouvelé les clés de certains gens pour le nouveau stress test qui aura lieu ce week-end. Si vous n'êtes pas déjà inscrit pour le bêta test et que ça vous intéresse d'aller voir les contrées de Elder Scrolls Online, il est encore temps d'aller s'inscrire sur le site et vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, la chance d'avoir une clé pour pouvoir participer à ce test. Et les tests auront lieu vendredi de 18h jusqu'à mardi le 11 février à 5h59, donc quand même une belle plage horaire pour faire un stress test. Et en même temps, ce que vous faites dans le jeu en tant que stress va rester présent si vous faites l'achat du jeu. Donc, si vous voulez prendre un petit peu d'avance, ben allez-y. Excellent. Merci beaucoup, Andrew, pour ces nouvelles. C'est déjà la fin de Puissance Maximale. Andrew, peux-tu croire à ça? Ça a tellement passé vite. Je tiens à remercier tout d'abord M. Diego Lamana qui nous a fait une super chronique académique encore une fois. Merci beaucoup, Diego, de ta participation à l'émission. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci à Luc Biron, à toute l'équipe de G-Animé 2014 qui nous ont accueillis encore cette année. Des gens généreux qui font une super job, qui te font rencontrer des gens extraordinaires comme le joueur du grenier Thierry Bourdon et plein d'autres mondes. On va évidemment, là, comme j'ai dit tantôt, surveiller l'émission spéciale qui s'en vient sur YouTube. Ça va passer sur le site internet de Puissance Maximale également. Du gros n'importe quoi, mais du gros fun. Et effectivement, on s'est vraiment fait du fun. Vous allez le voir de toute façon. Et je veux remercier mon collègue de toujours, M. Endo Castegan à la console. Un plaisir, M. Michaud. Merci beaucoup, Endo. Merci à toi aussi pour ton animation de qualité à chaque semaine. Merci beaucoup. Et mon nom est Mickaël Michaud, comme Andrew vient de le dire. Toujours content d'être là également. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts, et maintenant écouter CGMD en ligne directement sur notre site. Et pour l'instant, c'est la place pour écouter. TuneIn va revenir, mais pour l'instant, c'est la place. Voilà, donc passez sur notre site. Sinon, Facebook, Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous trouver très facilement, pour appuyer sur le bouton j'aime, parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs. Et on en profite, comme à chaque semaine, pour vous souhaiter une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we One, two, three, four, yeah! 96.9 FM.